un kiff d'être avec vous chaque matin là sur Virgin Radio. Vous restez bien là dans moins de 5 minutes. Ce sera la dernière de l'année du Virgin Tonic en direct d'Aix-en-Provence. Il y aura aussi l'actu et juste avant, on écoute Izzy. Bisous. Radio, c'était Easy Bisou. C'est cool, on aime bien. On est vendredi aujourd'hui, c'est le 24 juin et un petit conseil, oubliez toutes les autres radios. Ce matin, c'est sur Virgin Radio que ça se passe, la Virgin Pool Party, ça va être Projet X à Aix-en-Provence. Restez là, ça démarre dans un instant, ce sera juste après l'actu. Et à 6h sur Virgin, c'est les infos. Tristan, Sarah, Tristan qui nous a accompagnés toute l'année. Et Tristan, voilà, on va le dire, il arrive très tôt le matin pour vous préparer l'actu. Il bosse comme un malade et il vous fait de super bonnes infos. Voilà, je vous dire merci pour cette belle année, Tristan. Merci tous les journalistes qu'on retrouve bien sûr toutes les demi-heures et qui font un boulot de dingue tous les jours. Absolument. Aussi, tout cet été. Et donc, bonjour à trois, mais on les citera pas. Non, je rigole. Quatre départements du sud-ouest sont en alerte ce matin, de fortes pluies, des orages violents, de la Haute-Vienne à la Gironde, de la grêle attendue sur l'Auvergne, du soleil sur le Languedoc et la Provence. 24 degrés cet après-midi à Paris, 27 à Marseille, 32 à Lyon et 36 à Nîmes. Les Britanniques ont voté en masse au référendum sur le Brexit, une participation estimée à plus de 72%. Pas de résultat définitif encore pour l'instant, mais la tendance est à une sortie de l'Union européenne, 52%. Il nous quitte, c'est le divorce. Le Brexit est en tête après le dépouillement dans 300 des 382 centres du pays. Et la livre sterling est d'ailleurs en chute libre sur les marchés asiatiques. La manifestation contre la loi travail s'est déroulée dans le calme hier à Paris, un défilé sous haute surveillance sur un trajet très court. Bernard Cazeneuve a parlé de conditions optimales. Dans la soirée, une centaine de personnes a tout de même commis des dégradations dans le nord de Paris en vandalisant la façade du siège du syndicat CFDT. Et il y aura eu entre 70 000 et 200 000 manifestants hier dans tout le pays. Prochaine journée de mobilisation mardi le 28 juin. À propos de travail, le gouvernement dévoilera ce soir les chiffres du chômage pour le mois de mai avec l'espoir d'un troisième mois de baisse consécutif. Mais attention, Pôle emploi avait noté une très forte hausse des radiations en avril pour défaut d'actualisation, ce qui fait craindre un effet de bascule avec le retour de nombreux inscrits. C'est la fête du cinéma ce week-end, des animations dès aujourd'hui dans certains musées, des projections en plein air et puis surtout des séances à petit prix de dimanche à mercredi soir, 4 euros la séance durant ces 4 jours, opération en partenariat avec Virgin Radio. Plus d'infos sur fêtesducinema.com. Les gardes-côtes italiens tirent le signal d'alarme, ils ont mené 43 opérations de secours en mer pour la seule journée d'hier en Méditerranée, des sorties qui ont permis de récupérer quelques 5000 migrants à la dérive en provenance essentiellement de Libye. Et puis le passage d'une terrible tornade sur l'est de la Chine, des vents de 125 km/h et des pluies torrentielles et qui ont fait de lourds dégâts. Des villages entiers ont été détruits, des scènes de désolation et un bilan provisoire d'une centaine de morts et plus de 800 blessés. Dernier jour de repos pour ceux qui n'aiment pas le foot avant la reprise de l'Euro demain avec les huitièmes de finale. Match à élimination directe avec tir au but en cas d'égalité à l'issue de la prolongation. Suisse-Pologne pour débuter demain à 15h à Saint-Etienne. Avant Pays de Galles-Irlande du Nord à 18h à Paris. Portugal-Croatie 21h à Lens. Et puis France-Irlande bien sûr dimanche à partir de 15h sur TF1. Les Bleus quitteront Clairefontaine dès cet après-midi pour rejoindre Lyon. Toujours côté foot, Laurent Blanc a signé la résiliation de son contrat avec le PSG. 22 millions d'euros d'indemnité selon l'équipe. Et devrait être remplacé par le tacticien du FC Séville, Unai Emery. Enfin, grand rendez-vous rugby aujourd'hui, la finale du top 14, le choc entre Toulon et le Racing 92. Une finale qui se joue pour la première fois de son histoire hors de France, à Barcelone et à 20h45 sur France 2. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic, la dernière émission de la saison, en direct d'Aix-en-Provence avec Camille Combal. Bon réveil! Jusqu'à 9h30, la Virgin Pool Party. Avec Camille Combal, on commence déjà à bronzer. 5h, 6h05, il y a déjà de l'ambiance. 6h05, bienvenue sur Virgin Radio. Camille arrive dans un instant pour la toute dernière de l'année, c'est la Virgin Pool Party. Est-ce qu'il y a déjà du monde à Aix? Il y a du monde à Aix pour... On entend rien. Ouais, il y a pas mal de monde. Encore. Allez. Ouais, c'est pas mal. Camille arrive dans un instant pour tout vous dire. Il est à la boulangerie, là. Il est allé chercher les croissants ce matin. Il y avait un petit peu de queue parce que 400 croissants, faut les sortir. Du coup, il arrive dans quelques instants sur Virgin Radio. On va retrouver tout Aix-en-Provence en feu. Toute Virgin Radio est à Aix-en-Provence. Pour tout vous dire, ici à Virgin, on est trois. Il y a Maxime, il y a Gaëtan et moi. Du coup, on va vivre ça tous ensemble. Vous n'êtes peut-être pas à Aix, c'est possible. Vous travaillez, pas de soucis. Toute l'émission à suivre sur le Facebook, sur le compte Virgin Tonic Official, sur le Twitter hashtag Virgin Pool Party. On va retrouver toute l'équipe dans un instant. On va payer votre loyer aussi. C'est le plus beau cadeau, toute radio confondue. Parce que nous, ici, on n'attend pas 7 heures pour vous faire de beaux cadeaux dès 6h20. Vous inscrivez dès maintenant loyer votre numéro de téléphone au 7 12 13. Toute l'équipe qui arrive dans un instant sur Virgin Radio. Et avant, on commence l'émission, bien sûr, avec une amie. On l'aime beaucoup. Voici Jane maintenant pour la toute dernière du Virgin Tonic sur Virgin Radio. Blackburn, I'm so alone without you, boy. Today and now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come on, come on, baby, come on, we show you the world. My love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world, leaving the twisted state of my mind. Virgin, Virgin Pool Party. Avec Camille, Camille Combal. On commence déjà à bronzer. Sur Virgin Radio, les amis, désolé pour le petit retard. On se met merci, les filles. On a même des filles qui sont en train de danser. On a du public de partout. Ici, on est en direct d'Aix-en-Provence. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux sur Virgin Radio dans toute la France. C'est la Virgin Pool Party. La Virgin Pool Party, qu'est-ce que c'est? C'est déjà l'équipe de Virgin, c'est important. Il y a Pauline, il y a Clément. Bonjour. Il y a Laure. Salut. Il y a Ginger. Il y a Nico du bureau. Il y a Bento dans les cheveux ce matin. Il y a du Benko. C'est surtout notre dernière de l'année, ça veut dire qu'on va faire la fête tous ensemble. On vous invite de toute la France, vous êtes magnifiques. Allez voir les images sur virginradio.fr, sur Facebook Live aussi. Oui, tout à fait, ouais. On a même un drone qui va filmer ce matin, les amis. C'est un truc de dingue. Ah ouais, non, les amis, ça va être un truc de fou. Et venez voir les gens, tout le monde est en hawaïen ce matin. Là, on est au bord de la piscine. On va faire la fête ensemble jusqu'à plus soif, c'est-à-dire jusqu'à 9h30 à minima. En général, ça dépasse un peu. Et on est tous en direct d'Aix-en-Provence. Alors, ça pouvait pas tomber autrement pour cette équipe. Je suis arrivé hier à 2h du matin, il faut dire. Et j'ai découvert l'endroit où on est, c'est quand même le c'est quoi? Le mas de la paumée. Ouais. Le domaine de la paumée. Ouais. Le domaine des paumées, ça pouvait tomber quand même que sur nous. Le domaine des paumées, voilà, c'est là où on est actuellement. Venez, passez nous voir. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer. Déjà, comment vous allez l'équipe déjà, tous les trois là? Merveille, c'est l'anniversaire de Pauline. Alors, on avait zappé, Pauline est arrivée en disant, c'est mon anniversaire. Voilà, personne n'a oublié. Alors, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles pour toi, Pauline, c'est qu'on a beaucoup de choses pour te le fêter. Je sais, je vous connais. Si vous nous rejoignez, bon, déjà, excellent réveil, hein, vous qui êtes à la radio, mais on va vous expliquer. Déjà, immense domaine ici, on a invité plein de gens donc de toute la France, ils sont plus de 400 à être ici, il y a encore des bus qui sont en train d'arriver. Ensuite, on a fait venir toutes les ex de Clément pour danser ce matin avec nous. On a des danseuses, juste après les danseuses, il y a une grande piscine. La piscine, on va tous y terminer, on va passer la journée tous ensemble. Me poussez pas pour la blague là, parce qu'on a quand même des trucs de radio, mais après, il n'y aura pas de soucis. Et on a un plongeoir là au bout, vous avez tous vu le film Brise de Nice? Eh bien, c'est très simple. N'importe qui là, avec nous, équipe compris, peut se retrouver sous ce plongeoir, raconte une blague. Si le public la trouve bonne, il reste dessus. Si le public la trouve pas bonne, il tombe à l'eau, évidemment. Avec perte et fracas, on a un saut à l'élastique. La nacelle est à 50 mètres de haut. Là. Oui. Elle n'attend que l'or. Non. Cette nacelle n'attend que l'or. Arrête. Je vous le dis. Et on a aussi un immense matelas. Et alors ça, je sais même pas ce que c'est. C'est un immense matelas. Si. C'est le big jump. C'est le big jump. En fait, ça monte à 10, 20 ou 30 mètres et on se jette dans un matelas gonflable qui a l'air énorme. Exactement. Et on tombe dans le matelas direct. C'est mieux parce que sinon, il va y avoir des problèmes. On a aussi un rodéo mécanique, les amis. Vous savez ce qu'on fait? C'est hallucinant, vraiment. Allez voir les photos si vous pouvez sur virginradio.fr, sur le Facebook Live. Allez voir ça. Déjà, et merci à vous tous d'être venus, les amis. Vous êtes magnifiques. Hein. Je vous jure, vous êtes géniaux. À 6h du matin, il n'y a que sur Virgin Radio qu'on peut avoir des cinglés pareils. Tout le monde est en maillot de bain. On va commencer. Je savais pas, c'est l'anniversaire de Pauline. Vous savez ce qu'on fait? On va chanter. On chante. Est-ce qu'on peut mettre Pauline sur la nacelle? Non, et à chaque mauvaise réponse, la nacelle monte. Ah ouais? Non. Non, mais ça va. Ça va, c'est pas où? C'est un matelas en dessous. Non. Allez, on démarre. Pauline sur la nacelle. On va lui poser des questions. À chaque fois que Pauline donne une mauvaise réponse, la nacelle monte un petit peu. Monte de quoi? 10 mètres à peine à chaque fois. Non, c'est horrible. Il y a un immense matelas qu'on va avoir. Peut-être le temps de gonfler ou pas. Ouais. Arrête! En attendant, en bas, les amis, soyez les bienvenus sur Virgin. Je vous le redis. Vraiment, restez avec nous. Hashtag Virgin Pool Party. Réagissez à tout. On a des invités aussi ce matin. On a Kungs qui sera notre invité tout à l'heure. Qui va mixer ici en direct sur Virgin Radio. Il a été découvert chez nous, Kungs. Et d'ailleurs, dans un instant, là même tout de suite, vous allez être les premiers à entendre son tout nouveau single Don't You Know featuring Jamie Commons, chanteur anglais aux accents blues. Oh, ouais. Hey, pas mal, on m'a écrit ça sur ma fiche. Écrit pour Alexandre Devoise. Tu vas écouter, tu vas voir qu'il a vraiment un accent. Il a un gros accent. Mais l'équipe, c'est pas possible. L'équipe, il me met vraiment un featuring Jamie Commons, chanteur anglais aux accents blues. Bon, ça, c'est un grand. Il m'a pris pour Bernard Montiel. Ne bougez pas. Les amis, on va s'écouter ça. Il y a Synapson qui sera aussi notre invité. Ils vont mixer leur live. Ça va être fantastique, les amis. on va passer une journée, on va se faire des souvenirs. Je peux vous dire, on va faire la fête tous ensemble. Pauline est encore à table alors qu'elle doit regagner maintenant le stand de décollage. Elle essaye de négocier avec moi, mais moi je peux rien faire. Alors, attends. Laure, tu veux y aller à sa place? Non, ça va. Attends, Camille, non, ça va? Je promets un truc. Je monte sur la nacelle, je vois. Si j'y arrive pas, est-ce que Clément peut me remplacer? J'ai rien demandé, moi. Pauline sur la nacelle sans remplacement. Et il y a Jason, notre DJ aussi. Quel âge? Je l'avais même pas vu. Ça va, Jason? Oui. Alors, on n'invite pas à la poule partie. Alors, mon Jason, vous allez mettre l'ambiance un peu? Bien sûr qu'on met l'ambiance. Est-ce que tout le monde a ramé ses brassards? Voilà, ça c'est l'ambiance. Jason, c'est un personnage de l'émission. C'est le DJ le plus ringard qu'on ait connu. Et il y a également apparemment un sans domicile fixe qui est venu parler. C'est le patron de la. C'est le patron de la. Non, pas pour moi, les amis. J'ai confondu. C'est parti, les amis. Allez, le tout nouveau Kungs en direct sur Virgin Radio. Les danseuses, tout le public, on fait la fête ensemble. On est là jusqu'à 2h30. Excellent réveil. Vous avez choisi Virgin Radio. C'est la dernière de l'année. Vous allez nous manquer, mais on va faire une dernière grande fête tous ensemble en direct. En Provence, même avec tout le monde en tenue hawaïenne ici, même pour cette dernière grande fête de l'année, on va pas oublier de vous payer votre loyer. Vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux, vous qui démarrez votre journée, loyer au 7-12-13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Tirage au sort dans 2 secondes à peine. Excellent réveil à vous tous. Aix-en-Provence, est-ce que ça va? Ouais. On est dans un grand défi. délire ici. J'espère que vous pouvez voir les images vous aussi sur le Facebook Live et être avec nous. Excellent réveil à tous. C'est là que ça se passe tous les matins. Virgin Tony. Virgin Pool Party. Jusqu'à 9h30 sur Virgin Radio. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Darren, c'est le maillot de la France que je vois sous ta veste, là ? Absolument, Alex. Pour ce 8e de finale, en direct sur Beansport, on sera tous derrière la France, même les Anglais. Tu as raison, après 2 victoires et 4 buts, on est sur la bonne voie. Mais attention, il va falloir confirmer sur le plan offensif. Et surtout, ne pas se laisser déborder par le stress. Et on doit tout donner dès la première minute. Dimanche, suivez France, République d'Irlande, en direct sur Beansport. Des 8e jusqu'à la finale, vivez tout le suspense de l'UEFA Euro 2016, en direct, seulement sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. C'est parti. Les soldes Chic et Sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Il y a encore 4 départements en alerte aux orages aujourd'hui, mais dans le sud-ouest, les coups de tonnerre et la pluie qui vont traverser le pays au fil de la journée, du soleil permanent uniquement sur le sud-est et le Virgin Pool parti d'Aix-en-Provence. Le mercure, 17 degrés cet après-midi à Cherbourg. Vous aurez 18 à Brest, 21 à Nantes et La Rochelle, 22 à Lille et à Beauvais, 23 degrés pour Paris, 27 à Dijon, Marseille, Nice et Ajaccio, 29 à Perpignan, 30 à Strasbourg, 31 à Chambéry, 32 à Lyon et Aix-en-Provence, 36 à Nîmes et à Montpellier. Virgin Radio. Virgin Radio. Captez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62 333. Message 35 centimes par SMS à coût d'envoi, service modéré et animé. Put your hands together. Virgin Radio et Lagardère Sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Virgin. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Schulz. Afrojack, Cassius, Nervo, Greg Bott, Bob Sinclair, Kungs, Menas. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Billet. Electro-Summer, le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, MyTF1 et Direct Matin. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Virgin Radio. Virgin Radio. Big Festival. Vivez le Big Festival du 9 au 17 juillet. Ready. Écoutez en non-stop les live interviews sur la web radio 100% Big Festival. Big Festival, l'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Il est 6h20, bienvenue sur Virgin Radio, on est toujours en direct d'Aix-en-Provence. Avec un public de malade pour cette dernière, la Virgin Pool Party. Camille était partie chercher un petit verre d'eau. Pauline est montée, un café. J'étais parti me chercher un café, excusez-moi, oh là là, je rencontre tout le monde. Mais vous imaginez, on doit être pas loin de 500 personnes là autour de la piscine pour ce Virgin Pool Party. Et du coup, je discutais avec tout le monde, j'ai pas vu leur passer. Qu'est-ce que je vous dise? Bienvenue en tout cas à vous tous, ça se passe sur Virgin ce matin. Le Virgin Pool Party, l'équipe du Virgin Tonic est là, bien oui. Sûr. Salut. Les gens sont là aussi, ils sont du nombreux. Ça va, copain. C'est un truc de dingue. On croise que des gens au Magnum, on a Wyatt, on peut prendre un café tranquille. Ça va être n'importe quoi, on est là ensemble pour toute la journée. Et je vous invite encore une fois à regarder toutes les images sur virginradio.fr et sur Facebook Live. Facebook Live. Pauline est en haut d'une nacelle. Pauline, c'est ton anniversaire ce matin. Une nacelle qui est dans un arbre où il y a des guêpes. Hein. Si vous trouvez bien. Ça, c'était la petite épreuve en plus. Pédéglioni. Pauline, dans un instant, ouais. On va vérifier ta culture générale. Je vais te poser des questions que les élèves de primaire apprennent dans un passeport de collège. Si tu réponds bien, Tu sauteras de cette hauteur, on est à peine à 5-6 mètres au-dessus du matelas. Ouais. Et plus tu donnes des mauvaises réponses, plus la nacelle montera, je rappelle, de 15 mètres en 15 mètres. Et je voulais te dire que vraiment j'étais contente de fêter mon anniversaire avec toi. Mais moi aussi, ça, ça me fait très plaisir. Mais pour le moment, on pense à vous aussi, vous tous qui n'avez pas pu venir, qui n'avez pas forcément pu prendre de journée de congé, on vous paye votre loyer. C'est toutes les heures, loyer au 7, 12, 13, premier tirage au sort. Dès maintenant, c'est parti. Parmi tous les SMS reçus, on en rappelle un en direct. Et je rappelle, si ça ne décroche pas, c'est à l'un d'entre vous à qui on va payer le loyer. C'est important. Ça sonne. C'est important. Les amis, je vous dis, hein, ça va être n'importe quoi cette émission. Je le sens très très bien parti. Allô, qui est là? Allô. Ah, ben ça a décroché, les amis. Je suis désolé. Ce sera peut-être pour l'heure d'après pour le public ici, mais je suis très heureux pour la personne qui est avec nous. Bonjour, qui est là? Elodie. Elodie? Oui. Elodie, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Ah, c'est Virgin Radio. Ah ben. Eh oui, ma chérie, c'est gagné. Bravo à toi, c'est Virgin Radio. Tu es notre première gagnante du matin. Et on n'a plus que 3 tirages au sort à partir de maintenant. On n'a plus que 3 loyers à offrir. 7h20, 8h20 et 9h20. Inscrivez-vous, loyer au 7-12-13, puisque ça y est, notre première gagnante du jour là. C'est Elodie. Il est de combien ton loyer, ma chérie? Elodie est partie, apparemment elle a répondu Virgin Radio, elle s'est barrée direct, Elodie. Bah Elodie, on te recontactera hors antenne, on te demandera ton loyer. Mais de toute façon, elle a répondu, ça y est, c'est gagné. Oui, on l'a perdu au standard, mais elle est en train de mesurer son appartement pour savoir de combien elle loyer. N'importe Nico quoi. Nico du bureau, c'est quoi toute cette pêche au bifo? C'est que j'essaie de se réveiller, il y a que des gens hawaïens et Nico il fait. Oui, on l'a payé au standard. Non, mais... Si Loïc du standard m'entend, on me voit. Mais non, mais je voilà. pense qu'on va pas non plus appeler les experts standards. Je crois que ça a raccroché. Non, ça, c'est bien d'avoir vu. Vous savez qu'il y a une équipe de 9 Américains qui vont venir. On a confirmation, elle a raccroché. Hein. Hein, okay. Ok. On est parti directement à son domicile. On vient de la rencontrer. Elle nous le confirme. C'était raccroché. Pour nous, en tout cas, de notre côté. C'est pas si grave. On va la voir. Elle nous donnera son loyer. On va quand même le payer à quelqu'un ici. Vous savez quoi? Ça me fait plaisir. C'est quoi ton prénom, ma chérie? Christine. Christine, t'habites où? À Marseille. T'as un loyer de combien? 500 et quelques. T'es pas en train de m'enfumer? Non, non. T'es sûr? Ouais. T'es pas en foyer? T'es pas tout ça? Comme, non, non. T'es 500 et quelques? Eh ben ma chérie, je te paye ton loyer aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir, les amis, et ça va être comme ça tout au long de la matinée. Et Elodie, bien sûr, hein, qu'on a perdu, qui a raccroché Nico du bureau, c'est ça? Oui, alors à l'américaine, on dit to ring out. Ring out, ok, très bien. Mais on lui paye son loyer aussi. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Ça va être n'importe quoi, cette émission. C'est le Virgin Pool Party. Clément. Oui. On va rappeler ce qu'on a. On a un plongeoir ici. À tout moment, on va raconter des blagues. La personne qui raconte une mauvaise blague, le public l'a eu. Elle tombe directement dans la piscine. Alors, pas n'importe qui, parce que j'ai testé hier. Faut des gens moins lourds que moi. Parce que j'ai pas eu le temps de raconter une blague, ça a encore cassé. Donc voilà, du coup, je peux pas le faire. Je ferai pas de vanne. C'est un bon moyen aussi de savoir où vous en êtes à quelques jours du mois de juillet. Vous savez que si le plongeoir ne cède pas, vous êtes en dessous de Clément. Ouais, 72 kilos. On parlait de mes jambes. On a un saut à l'élastique exceptionnel. Aussi, hein, je vous le dis, il fait plus de 50 mètres. Allez voir les images là encore sur le Facebook Live, ça va être incroyable. L'un d'entre nous va sauter de plus de 50 mètres de haut. Ça va être un truc de fou. Et ma Pauline est en haut de la nacelle actuellement. Comment ça se passe pour toi, Pauline? Eh ben c'est horrible parce qu'en fait, déjà j'ai vertige, donc j'ai peur. Elle est à un mètre là. Elle va t'agresser ce pauvre jeune homme à côté de moi. Alors Pauline, on va expliquer. Grande ouais. nacelle avec un immense matelas. Ouais. Un immense matelas qui amortit les chocs. Quoi qu'il arrive, tu ne crains rien. Mais enfin, il faut quand même se jeter dans le vide. Enfin, il m'a parlé de mes chevilles quand même. Hein. Non, on va faire attention. Mais ça, c'est rapport au melon, ça. C'est-à-dire. Mais là, t'es à quoi? À 3 mètres au-dessus du matelas? Là, je suis à 4 mètres. 4 mètres. 4 mètres au-dessus du sol, mais 1 mètre au-dessus mais du là, matelas. Mais là, je suis pas bien, je vais pas plus haut, hein, je te le dis. Non, non, non, non. On va te poser des questions. Ok. Ma popo, à chaque mauvaise réponse, la nacelle montera. Ah non, non, mais non. C'est ton anniversaire, je te poserai 3 questions. Ok, d'accord. Si tu as 3 bonnes réponses, tu sauteras de cette hauteur-là. Si tu as 3 mauvaises réponses, à chaque mauvaise réponse, la nacelle montera 2 mètres, 3 mètres. Non. Est-ce que tu as compris, Pauline? Pauline, est-ce que tu as compris? Oui. Et non, la réponse était non, c'était la première question. J'étais pas hyper d'accord avec vous quand même. Là. On peut finir à quasiment 15 mètres de haut. Restez avec nous, on va faire tout ça en live sur Virgin Radio dans un instant. Restez bien avec nous. Il est 6h30, on va faire un point sur l'actu dans un instant. Juste avant, je voudrais vous dire qu'on vous a fait des beaux cadeaux, vous tous qui êtes avec nous. On va aussi vous en offrir sur les réseaux sociaux. On a décidé dans l'équipe, on s'est dit c'est l'été, c'est la summer, c'est la Virgin Pool Party. Oui. Et je me suis dit, on va vous offrir des serviettes de bain. C'est sympa, non? Ouais. Il y a une serviette de bain pour tout le monde. Et on va vous les donner. Ils me font déjà signe, j'ai pas eu. On va vous les donner, je vais vous les montrer. Alors, mais je voudrais vraiment féliciter. Vous savez quoi? Mais je les aime. Hein. Et ils vont me manquer pendant cet été, je serai pressé de les retrouver l'an prochain. Mais l'équipe de bras cassés qui m'entoure quand même tous les matins. Puisque on a donc, vous avez déjà vu La Vérité si je mens d'eux? Ouais. Il nous est arrivé exactement la même chose. Oui, mais t'as pas dit zip. On a commandé des serviettes de bain, d'accord, pour vous tous. Vous allez tous repartir avec une quoi qu'il arrive. Mais apparemment, entre serviettes de bain et tapis de bain, regardez la taille des serviettes. C'est bien la serviette de bain, ça fait tapis justement. En fait, c'est les grandes toilettes, Virgin Tonic. C'est une serviette de bain, mais pour Enora, les gars. Oui. C'est un tapis de bain. Non, mais voilà. Donc, voilà. On avait dit millimètres. Des millimètres. Non, mais c'est bien, justement. Non, vraiment, je voudrais féliciter notre champion. C'est Flavien qui s'est occupé de ça. On en parlait il y a un instant. Viens avec moi, Flavien. Viens avec moi. Vraiment, je voudrais qu'on l'applaudisse très, très fort. Ça, c'est un champion. Qu'est-ce qui s'est passé sur les serviettes? Non, serviette de bain, mais de sport, en fait. Donc, serviette de nain. Effectivement. Rien à voir. Les amis, alors elles sont jolies quand même. Hein. Vous allez tous repartir avec une. Ça peut servir de torchon dans la cuisine également. Voilà. Mais là, vous ne pouvez pas sécher grand chose de votre corps avec. Oui, Laure. En perso, elle a ma taille, donc je suis hyper contente. Oui, et puis elle a fini en tapis de bain, donc je me suis essuyé les pieds sur ta tête. Et ben voilà. Mais vous savez quoi, Flavien, mon bichon, qui a très très bien bossé. C'est notre dernière de l'année. Mais comme là quand même, on peut parler dans le sud, on dit un bel emplâtre, c'est ça? Enfin, un bel emplâtre. Ouais, mais on avait dit des centimètres, c'est des millimètres. On s'est fait baiser comme des bleus. Eh bien, sachez que Flavien sera toute la matinée notre mascotte et qu'il essaiera toutes les activités avant nous. Ouais. Pour être sûr que tout fonctionne bien. Ouais. Flavien est officiellement la mascotte de l'équipe jusqu'à la fin de l'émission. Des millimètres. Les amis, restez avec nous sur Virgin, on s'approche sur la cul. Aix-en-Provence, ça va? On va tous finir, allons, on va faire n'importe quoi. C'est là que ça se passe, l'événement tous les matins. C'est notre dernière de l'année. On va se quitter dans un grand n'importe quoi ce matin. Et Pauline qui s'envole dans un instant en direct sur Virgin Radio. Et Vienti, Kekpec de Ossène qui arrive. L'équipe est là, les amis. Un grand, grand, grand merci pour l'année exceptionnelle qu'on a passée à vos côtés. Bon réveil. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une dégradation va traverser le pays au fil de la journée où seul le sud-est restera sous le soleil. Météo France a placé 4 départements en alerte aux orages dans le sud-ouest. La Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et la Gironde, 26 degrés en moyenne pour cet après-midi. Les Britanniques demandent le divorce. Le Brexit, autrement dit la sortie de l'Union Européenne, arrive en tête du référendum organisé hier au Royaume-Uni. 52% pour l'instant après le dépouillement de 300 des 382 centres que compte le pays. La livre sterling est d'ailleurs en chute libre sur les marchés asiatiques. Notez la participation estimée à plus de 72%. En France, la suite du brevet pour les collégiens de 3e après le français et les maths hier. Dernier jour d'épreuve aujourd'hui, l'histoire géo, enseignement moral et civique ce matin. Quelques 840 000 élèves concernés et les résultats attendus au plus tard le 8 juillet. 55% des Français comptent partir en vacances cet été contre 59% l'an dernier d'après l'Institut BVA. La grande majorité a l'intention de rester en France avec la Bretagne en tête. Ceux qui envisagent de passer quelques jours à l'étranger plébiscitent l'Espagne. La façade du siège du syndicat CFDT a été saccagée hier à Paris. C'est la principale dégradation commise en marge de la manifestation contre la loi travail et qui s'est tenue dans la capitale. De 70 000 à 200 000 manifestants à travers tout le pays. Prochaine journée d'action mardi. Environ 5 000 personnes secourues hier en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont effectué 43 sorties en mer en 24 heures. La majorité venait de Libye à bord de canots pneumatiques. Selon l'ONU, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Le président colombien qui salue, je cite, un jour historique historique pour son pays après la signature d'un accord avec la guérilla des FARC. Un prochain cessez-le-feu définitif dans le plus vieux conflit armé d'Amérique latine après plus de 50 ans d'affrontements, d'attentats et de victimes. C'est la fête du cinéma à partir de dimanche et jusqu'à mercredi soir. 4 jours pour voir un maximum de films à petit prix. 4€ la séance, opération en partenariat avec Virgin Radio, dont vous trouverez tout le programme sur le site fêtesducinéma.com. À l'affiche, Le Monde de Dory, Café Society, La Tortue Rouge ou encore Retour chez ma mère. L'équipe de France de foot quittera Clairefontaine cet après-midi, cap sur Lyon en vue du 8e de finale face à l'Irlande. Le match ce sera dimanche à 15h sur TF1 avec tir au but en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire et puis de la prolongation. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Virgin Pool Party avec Camille, Camille Combal. On a tout, merguez ou chipo. De l'année, on va faire une fête exceptionnelle à vos côtés. J'espère que ça va. Vous qui partez bosser, vous qui êtes en voiture, peut-être déjà arrivé au travail, on est très heureux d'avoir partagé ces deux années avec vous. Et on s'est dit, on va finir dans une grande fête. On a invité des gens de toute la France, ils sont avec nous en Hawaï, au bord de la piscine. On va faire plein de conneries tous ensemble. Mais surtout, vous qui partez bosser, on pense très très fort à vous. L'équipe est là aussi pour vous. Oui, évidemment. Les amis, il va se passer n'importe quoi. Pour vous résumer, si vous nous rejoignez à peine, c'est important. C'est comme dans 24 heures chrono. Previously on Virgin Pool Party. Pauline est actuellement sur une nacelle à plusieurs mètres de haut. Ça, c'est fait. On a un plongeoir à tout moment. On va demander aux gens de raconter une blague. La blague est bonne, il reste sec. La blague est pas bonne, bim, on tombe dans la piscine. On est en direct du domaine des paumés. La paumée, la paumée. Tout va bien. Ah non, mais il n'y a que chez nous, ça. C'est que pour notre équipe, mais qui est magnifique, vraiment. Allez voir les images sur Facebook. Vous allez voir toute cette bande de dingues. Il n'y a que dans le sud qu'on peut voir ça déjà arrivé comme ça. Chapeau de paille, les shorts, les tenues hawaïennes. On a Jason qui est là aussi, notre DJ ambianceur. Salut Jason. Bonjour à vous, merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires ce matin? Oh, il y en a. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires? Apparemment les filles elles aiment bien faire la fête, les mecs ils osent pas broncher, ils sont bien avec leur shérif. Oh, là, je peux pas, je suis obligé de faire. Camille, je t'aime bien, j'aime bien Clément Laure, mais là faut que je fasse profil baf. Voilà, je passe pas la journée. Et je rappelle, vous tous qui êtes avec nous, on passe toute la journée ensemble au bord de la piscine. On a quand même, c'est pas une blague, la plus grande merguez au monde qui va arriver ici. On va manger tous ensemble la plus grande merguez du monde. Tu vois Jason, il suffit de mettre ça pour être ambiancé avec, voilà, les mecs. Allez attention, la plus grande merguez du monde va arriver dans un instant, mais tout en restant avec les brassards, voilà. Bien sûr, c'est important. Les amis, on va retrouver Pauline en haut de sa nacelle. Je rappelle le principe, Laure Clément. Oui. Réexplique un petit peu où elle en est. Alors elle est à, pour l'instant, je dirais 2-3 mètres de hauteur, 4 mètres, elle l'a dit tout à l'heure, au-dessus d'un grand matelas sur lequel elle va se jeter, qui normalement va amortir la chute. Il faut respecter que c'est l'anniversaire de Pauline. Oui. Évidemment. Et qu'on avait envie de lui faire un beau cadeau. Parce qu'on avait tous très envie de le faire et on l'a laissé faire puisque c'est son anniversaire. Donc Camille, tu vas lui poser, t'as un passeport ici, niveau, je crois que c'est CM2, 6ème, 5ème. C'est des questions et à chaque mauvaise réponse, on monte d'environ 5 mètres. Donc tu vas être maximum à 15 mètres, je pense. Elle a énormément le vertige, il faut expliquer, tout comme Laure d'ailleurs. Donc ma popo, et c'est déjà, elle est déjà à 4 mètres de haut. À chaque mauvaise réponse, je te pose 3 questions. On augmentera la nacelle de 2 mètres. Et à chaque bonne réponse, elle restera à l'endroit où tu es. Et à la fin des 3 questions, tu dois sauter, d'accord? Oui, c'est ça. Ou si tu préfères, j'ai une autre règle du jeu. On te pose une seule question, tu restes à cette hauteur, mais si tu réponds faux, on retire le matelas. Ok. C'est un nouveau jeu, c'est pas mal. Donc elle attention. Beaucoup d'amour dans cette équipe. J'ai une musique de questionnaire. On a connu Pierre. Ça passe. Laure, c'est les mêmes questions peut-être pour nous. On n'a pas le droit de regarder les réponses. Hein. Ah bon? Oui. Non. Attention. Pauline, est-ce que vous m'entendez? Oui, ben je vous entends. Pauline, voici la question. La France aussi, tout le monde ici dans la Virgin Pool Party, tout le monde l'entend cette question. Cette question, Pauline, Il y a des guêpes. Je vais vous la poser sans détour, Pauline. Ça, c'est trop facile. Ah, ça y est. Quel est... J'appelle, hein. C'est un passeport niveau CM2 vers la 6e. D'accord ? C'est dur, hein ? Oui, oui, exactement. Oui. Quel est, Pauline du standard, le plus long fleuve de France ? Attention, Pauline, s'il te plaît, on te voit d'ici, on commence pas à se tourner vers les copines pour avoir des réponses. On reste droit, Ginger, on n'aide pas. Le plus long fleuve de France, Ginger des réseaux sociaux, et avec Pauline sur la nacelle. Elle est déjà sur Wikipédia, surtout. Ouais. Pauline, très vite, allez, Pauline, on y va. Bon, franchement, j'en sais rien, je suis nulle en fleuve. La Seine. Et non. Et la Loire. C'était la Loire. Ouais. La Loire. Bravo Clément. Bravo Clément, c'est mon champion. Bah, comme ça, je redescendrai d'un étage tout à l'heure. Exactement. Plus jamais. Oh non. Est-ce que l'équipe de la Nacelle, je rappelle, on a aussi un sol élastique hein, qui fait ça. Est-ce qu'on peut monter de 2 mètres? De 2 mètres. Ah, mais franchement, c'est dégueulasse. Exactement. C'est dégueulasse. Je vais pas te mentir. Non, je trouve non, aussi. Non, on monte de 2 mètres, non, c'est non. Parti. Non, non, pas plus, pas non, plus. Non, pas plus, pas. Bah, à toi de bien répondre, ma grande. Pas plus. Il y a des gars partout. J'ai envie de te dire, tu peux t'en prendre qu'à toi et à ton prof principal, ma grande. Tu t'as pas bossé. Personne t'empêchait de bosser. Ok. Ouais. Quand t'étais de CM2 à la 6ème, fallait peut-être moins rouler des pelles sous le préau, ma grande. Oh. Et être un petit peu plus en cours. J'aurais pas de pelle. J'avais pas de 2 mètres pour cette vanne. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on part un petit peu plus côté histoire. Hein. On sait que c'est un peu plus ton terreau. Qu'est-ce qui a été mis en service entre Paris et Lyon en 1981? Entre Paris et Lyon en 1981. Pauline, on y va, on triche pas avec Ginger. Il y a Ginger qui sourit qui lui donne la réponse, je crois. Ah, elle m'a rien donné, elle me regarde en souriant, genre, tu vas tomber. TGV? Vous me dites? TGV? C'est une bonne réponse. Ouais. La nacelle reste à ce niveau-là. C'est bien, Pauline. Apparemment, on aimait un peu plus l'histoire. Mais Pauline, ce qu'elle aime, c'est les maths. Ah, oh, non, non, non. Pauline, ça fait 2 ans que je la pratique. Et je peux vous dire. C'est très bizarre comme expression. Ce qu'elle aime. Télémat. Attention. Pauline. Ouais, ouais, ouais. À combien de pourcentage? Vas-y, monte la nacelle. Moi j'aurais dit 14. Je pars même pas sur des maths. Pauline en haut de sa nacelle, les images bien sûr sur le Facebook Live. Pauline. Ouais, ouais. La Terre, oui. C'est une belle planète. Oui. La planète bleue, oh, comme ouais. On l'appelle dans le système solaire. Ouais, ouais. Des Russes, Humanurus. Pourquoi tu fais ça? C'est horrible. C'est grave. La Terre est composée, bien sûr, de terre, comme son nom l'indique. Et ouais. D'eau. Et d'eau. Et d'eau. L'eau, symbole H2O. Oui. H2O, l'azote. Oh, n'importe quoi. Évidemment. Pourquoi tu fais ça? L'eau, l'air, la vie et viande. Ouais, ouais. Eh bien, ma chérie. Ouais. À 1% près. Oh, c'est dégueulasse. À combien la Terre est-elle recouverte d'eau? À 5% près. À 1% près. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. On n'aide pas, on n'aide pas. On n'aide pas. Apparemment, on a prof de chimie. À 1% près. À 1% près. À 1% près. Pauline, il 90. Faut... 90%. Mais non, ah non. Non, ouais. Attendez. Ouais, attendez. Avec les inondations. Non. Vous dites 90%. Mais non, je dis pas 90. Je reviens sur mon truc. Je peux pas aller plus haut, je te jure. 90%. Est-ce que je peux répondre pour elle? Vraiment, tu veux essayer? Ouais. Vas-y. Bien. 71%. Elle a vu les réponses tout à l'heure. Non, 60. Et non. C'est moins des 3 quarts. C'est... Et non. Ah non, moi je dis 60. 60. 60, tu dis? Ouais. Combien? C'était 72. Exactement. Oh là là. Tu sais, Pauline. Pauline, écoute ma chérie. Là, vraiment, je suis sur un passeport quand même du CM2 à la 6ème. Je peux pas faire mieux, tu vois. Ah non, mais ok, mais bon, j'ai répondu n'importe c'est quoi. C'est pas possible. Donc je me rappelle, t'es quand même celle qui a fait le plus d'études de l'équipe. Donc, oui, mais là, j'ai la tête. Très inquiet pour le reste des questions. Parce que moi, à côté, là, j'ai un Clément et une Laure, ils sont très inquiets. Ah ouais, mais là, j'ai la pour tête. Nous, pour nous, Pauline, t'es l'intello de la bande. Hein. Oui, mais j'ai la tête vide. Est-ce qu'on peut monter de. Ça change non, pas. Non, non, est-ce non, qu'on non. peut monter de 2 mètres? Non, non, non, non, non. Non, Camille, me fais pas ça, s'il te plaît, c'est mon anniversaire. Non, n'est pas une réponse valable. Mais merci. Tu sais, je suis plutôt jeune. Mais c'est un beau cadeau d'anniversaire. Tu vas être au niveau des nuages, il y aura Coluche et tout, ça va être magnifique. Ma mère m'a toujours dit. Je sais pas d'où est ma mère m'a toujours dit le nom tu l'as, va chercher le oui. On l'a maintenant le oui. La nacelle est encore montée. On est là quand même réellement maintenant à 6-8 mètres au-dessus du matelas. Et le matelas est déjà Camille, je peux très pas. Haut. Tu vois, je te le dis, je peux pas. Pauline. Non, je peux pas. Maintenant, tous les personnes qui sont venues de toute la France, ici, là, en tenue hawaïenne, au bord de la piscine, avec qui on va s'éclater tout le matin, Laure, Clément, oui. Jason. Allez, on encourage Pauline. Allez, Pauline. Pauline est en train de draguer le monsieur de la nacelle encore. Voilà, là. On va manger si tu veux et tout, mais ne lève pas cette nacelle. Pauline, quoi que tu sois en train de dire, peut-être dis-le dans ton micro. Attends, je sous-dois le. Non, on baisse, oh, on baisse là pas. Là. Non. On l'a vu descendre la nacelle. Non. On va me trouver ce gars de la nacelle. J'ai gagné, c'est bon, j'ai 28 ans en plus. Non, on remonte un petit peu. On va remonter un petit peu. Oh là là. Ah, elle enlève les couches de vêtements. Bah, on est en train d'enlever les couches de vêtements. Attention, ma popo. J'ai envie de te dire, au nom de Virgin Radio, saute avec ton micro, ma chérie, saute avec ton micro. Allez. Au nom de Virgin Radio, au nom de tout le monde pour ton anniversaire, Pauline à 8 mètres de haut, allez voir les images, va s'envoler sur un immense matelas gonflable. Attention. Le micro, Pauline. Pauline, prends ton micro, ma chérie. Ah, elle a enlevé ses écouteurs, je crois. Mais j'ai plus de cerveau, là. Non, mais prends ton micro, voilà, garde juste ton micro dans la main, tout va bien se passer. Pauline, elle a énormément le vertige. Ma popo, ma chérie, attention, on va y aller. C'est quand tu le sens, ma belle, c'est à toi, attention. Quand tu le sens, t'y vas. On compte jusqu'à 3. Pauline, est-ce que t'es avec moi? Pauline, est-ce que tu es avec moi? Oui, je suis avec tout le monde, en fait. Pauline, reste réactive. Pauline, attention, on reste ici. Tu n'entends ma voix que ma voix. Attention. Attention, tu n'entends plus que ma voix à l'heure actuelle. Attention, à mon signal, tu seras une citrouille. Allez, c'est parti. Pauline, ma chérie, attention, on y va. Tous ensemble, tous autour de la piscine. On va compter de 3 à 0. Okay, et là, tu vas faire le micro. Et alors, je veux vraiment qu'on ait le saut au ralenti, hein, qu'on vous mette sur les réseaux le saut au ralenti magnifique. Attention, Pauline. Pauline. Faut qu'elle prenne le micro. Elle veut pas. Pauline. Mais non, je peux pas tout faire. Mais tu sautes avec ton micro, tu le gardes juste dans la main, en fait. Parce qu'il y a un professionnel à côté de moi qui m'explique tous les trucs à faire. Tous les trucs à faire. Mais garde le micro, fais-moi confiance, t'inquiète pas. Ah, mais je le garde pas pour sauter, hein. Si, tu sautes avec. Mais il veut pas. Il veut pas. Si, il a dit oui, lui. Non, saute avec ton micro, ma chérie. Il dit ça craint un peu. Bah. Bah, il est en train de me saouler. Il va prendre ton micro. Allez, vas-y, prends ton micro. Fais-moi confiance. Je suis un professionnel. Ça a gonflé un matelas. Allez, on y va. Attention, ma Pauline. J'ai besoin de mes deux mains, apparemment. À zéro. Mais non, garde le micro. Mais c'est pas possible. Attention, on y va. 3, 2, 1. Top. Allez. Elle veut pas. Oh. Allez. Allez, Pauline. Et c'est ouais. Bravo. Vous savez quoi? Je vous déteste. C'est un petit son pour l'homme, mais un grand son pour Pauline. Bravo ma chérie, en direct sur Virgin Radio. Et quand même, vu d'ici, on dirait un tout petit son. Mais oui. Ouais, mais vu de là-bas, c'est quand même un flippant, je crois. En plus, elle a fait exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire tomber sur ses deux chevilles, quoi. Ah, il faut pas. Bah non. Bon, très bien. On va le faire tout à l'heure. Mais puisque Laure sait si bien le faire, on va la faire monter aussi. D'accord, bien sûr. Je suis une professionnelle du saut. On a aussi du saut à l'élastique, les amis. On va vous mettre aussi sur le petit plongeoir ici. Vous allez devoir raconter des blagues. Préparez tous des blagues, les copains. Vous êtes en direct sur Virgin Radio. C'est la toute dernière de l'année. C'est la Virgin Pool Party. Réagissez. Un seul hashtag ce matin. On continue aussi de vous payer votre loyer et de vous faire plaisir. N'oubliez pas, Koum seront nos invités. Synapson seront vos invités aussi ce matin. Et DNC, Cake by the Ocean. Voilà ce qu'on va écouter tout de suite sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous. Bon réveil. On est là jusqu'à 9h30. Courage à vous couvrir les yeux. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Sweet baby, let's lose our minds and go fucking crazy.

love. Now you got me so hard, you. What's going through your head? Am I just overthinking feelings I can't? We could all sweep it under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, en direct à vos côtés, les amis. Excusez-nous, on avait perdu un tout petit peu la liaison depuis Paris. Je sais qu'on arrive à avoir des images de Mars, mais nous sur Virgin Radio, depuis Paris Aix, on arrive à se perdre. Les amis, on est de retour, en tout cas, on est très heureux d'être là. Venez voir les images, c'est quand même incroyable. Vous imaginez la fête qu'on va faire, on est 300-400 là, dans toute cette maison. On va faire n'importe quoi, c'est le Virgin Pool Party. L'important, c'est de partager des bons moments à vos côtés après les deux belles années que vous nous avez fait vivre. On est en direct jusqu'à 9h30, du soleil élastique, plein de choses qui vont arriver. Ce sera notre invité. Synapson seront nos invités aussi. Ils vont mixer ici en direct de la Virgin Pool Party. On fait un point sur l'actu. Il est 7h tout pile. Je vous souhaite un bon réveil. On est de retour ici en direct d'Aix-en-Provence dans deux secondes à peine. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. Quatre départements du sud-ouest en alerte ce matin. De fortes pluies, des orages violents de la Haute-Vienne à la Gironde. De la grêle attendue également sur l'Auvergne et puis du soleil sur le Languedoc et la Provence. 24 degrés cet après-midi à Paris. Vous aurez 27 à Marseille, 32 à Lyon et 36 du côté de Nîmes. Les Britanniques ont voté en masse au référendum sur le Brexit. Une participation estimée à plus de 72%. Pas de résultat définitif encore, mais la tendance est nettement à une sortie de l'Union européenne avec 52%. Ils nous quittent, c'est le divorce. Le Brexit est en tête après le dépouillement dans plus de 300 des 382 circonscriptions du pays. Et la livre sterling est d'ailleurs en chute libre ce matin sur les marchés asiatiques. La manifestation contre la loi travail s'est déroulée dans le calme hier à Paris. Un défilé sous haute surveillance sur un trajet très court. Bernard Cazeneuve a parlé de conditions optimales. Dans la soirée, une centaine de personnes a tout de même commis des dégradations dans le nord de Paris en vandalisant la façade du siège du syndicat CFDT. Il y aura eu entre 70 000 et 200 000 manifestants hier à travers tout le pays. Prochaine journée de mobilisation mardi le 28 juin. À propos de travail, le gouvernement dévoile ce soir les chiffres du chômage pour le mois de mai avec l'espoir d'un troisième mois de baisse consécutive. Mais attention, Pôle emploi avait noté une très forte hausse des radiations en avril pour défaut d'actualisation, ce qui fait craindre un effet de bascule avec le retour de nombreux inscrits. C'est la fête du cinéma ce week-end, des animations dès aujourd'hui dans certains musées, des projections en plein air et puis surtout des séances à petit prix. De dimanche à mercredi soir, 4 euros la séance pendant ces 4 jours. Opération en partenariat avec Virgin Radio. Vous avez plus d'infos sur fêtesducinéma.com. Les gardes-côtes italiens tirent le signal d'alarme. Ils ont mené 43 opérations de secours en mer pour la seule journée d'hier en Méditerranée. Des sorties qui ont permis de récupérer quelques 5000 migrants à la dérive. Et puis le passage d'une tornade sur l'est de la Chine, des vents à 125 km/h et des pluies torrentielles qui ont fait de lourds dégâts, des villages entiers détruits, des scènes de désolation et un bilan provisoire d'une centaine de morts et 800 blessés. Dernier jour de repos pour ceux qui n'aiment pas le foot avant la reprise de l'Euro demain avec les huitièmes de finale. Match à élimination directe avec tir au but en cas d'égalité à l'issue de la prolongation. Suisse-Pologne pour débuter demain à 15h à Saint-Etienne, avant Pays de Galles-Irlande du Nord à 18h à Paris, Portugal-Croatie 21h à Lens, et puis bien sûr France-Irlande dimanche après-midi à partir de 15h sur TF1, en direct depuis Lyon. Voilà pour l'actu, bon réveil. Jusqu'à 9h30, la Virgin Pool Party avec Camille Combal. Avec vous, on a passé une semaine, deux ans exceptionnels, mais vraiment une dernière semaine de dingue grâce à vous. On vous a offert 3 CA Tibiza hier. On va encore continuer de vous faire plaisir, puisque même en direct d'Aix-en-Provence, même en direct de la Virgin Pool Party, votre loyer sera gagné dans quelques minutes. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Merci à tous les Marseillais, tous les Aixois qui sont venus, puis vous tous qui sont venus, qu'on m'a invité, pardon, de toute la France et qui sont là pour cette dernière grande fête. On va passer la journée ensemble. Je rappelle quand même le nom du domaine. Il nous était prêt. Le domaine des paumés. Mais oui, c'était pour nous. Attendez, ils ont construit le domaine il y a 20 ans. 20 ans, ils nous attendent, ceux-là, je suis sûr. C'était pour nous. Ginger est là, bien oui, sûr. Ginger, elle a mis les sandales, les petites paumènes. On aime bien les petites paumènes. Pauline, elle, on est sur de la Birkenstock. Oui. Tranquillement, c'est pas joli, mais ça fait du bien aux pieds. Laure, bon, ben là, c'est clairement acheté sur un marché à 26 000. Oh, t'es méchant, c'est sur un sauce que je les ai achetés. Ah ouais, ben rends-les alors, envoie-les. D'accord. C'est un retour. Et alors Clément est là aussi, mais Clément sur ma vie, il a sorti les bateaux. Ouais, regardez cette image, c'est Clément, il a mis les bateaux, allez voir ça. J'ai fait des efforts de ouf. J'ai commencé un régime hier, j'ai perdu 8 kilos pour nager dans la piscine. Mais on avait pris exprès une piscine à débordement. Et merci beaucoup. T'as nous fait qu'on plaisir. Était 600 à la base, j'ai fait un plongeon, il y en a 200 qui sont repartis à Lille, à Bordeaux, un peu partout. Ils doivent être éjectés. Ah oui, il y a Jason, notre DJ qui est là aussi. Bonjour les amis, dans un instant le t-shirt concours du t-shirt fouillé, on mélange les voyants. Voilà, on envoie des sons. Alors on a le seul DJ qui pète l'ambiance. On a des DJ magnifiques qui vont arriver. Synapson, ils seront là les copains dans un instant. Alex et Paul. Comme ça. On a Kouz qui sera notre invité aussi. Kouz, il est d'où Kouz? Il est d'Aix-en-Provence, les amis. C'est le local. C'est le régional de l'État. Ah, j'ai droit d'être un gars aujourd'hui. Mais oui, t'as le droit d'être un gars. Je suis toute l'année, mais là, je peux l'assumer. Bien sûr. Les amis, merci de nous avoir choisis. On est en direct. Alors, j'arrête pas de vous dire qu'on a des trucs fantastiques, mais il va falloir les faire à un moment donné. Oui. Va falloir mettre quelqu'un en haut de ce saut à l'élastique. 50 mètres, les amis. Chaud. Les amis, je vous dis, le peuple a parlé. Ce sera en fin d'émission. Mais l'un d'entre nous, et ça peut être moi, on va vraiment faire un concours, je vous jure. Et celui qui aura le plus de mauvaises réponses sautera à l'élastique du haut de ses 50 mètres. Mais je vous rassure, tu sais qu'on le laisse toute la journée, on pourra tous le faire, ce qu'on vient. Alors, il reste toute la journée ici, le saut à l'élastique. Et en plus, c'est vraiment, c'est des mecs super qui nous ont posé ça. Ils ont eu, ça fait 3 mois qu'ils ont ouvert, ils ont eu que 2 accidents. Ouais. On plaisante, c'est vachement, on l'a essayé. Enfin, moi, je sais pas, mais ça a été essayé hier. Tout va bien se passer, mais ça fait très peur. On a un rodéo mécanique qui est là-bas. Ouais, ça, j'adore. C'est n'importe quoi. En fait, on dirait vraiment on a organisé l'anniversaire de rêve d'un enfant du 10 ans. Dans les émissions américaines, genre le fils de Puff Daddy, on dirait c'est son anniversaire. Tu sais. Quand t'es 8 ans, il n'y a que des trucs de gamin. Ça. Ouais, 8 ans, il fait 50 mètres quand même la grue. Hein. Ouais, il a pas, c'est le fils de Puff Daddy. Quand ok, même. D'accord. Attends, pote. Les amis, restez avec nous. Plein de choses qui arrivent dans l'émission. On va se faire quand même le loyer, je vous l'ai dit. Hein. Oui. Loyer 7, 12, 13 qui arrive. Avant, je voudrais qu'on joue tous ensemble. Vous êtes pas joué avec moi? On va faire un truc qu'on adore, c'est le tape dans tes mains. Ah okay. Oui. L'équipe va jouer aussi. Oui. Ouais. Parce qu'on adore quand on est en public comme ça, ça permet de voir. On fait un sondage en direct, c'est très simple. On pose une question et ensuite on voit qui tape dans les mains. On voit si vous l'avez déjà fait ou pas, d'accord? Ouais. On assume tout, on est sur Virgin Radio en direct. Il n'y a pas de honte chez nous, personne ne sera jugé. Vous pouvez y aller tranquille. Attention. J'en ai une si tu veux. Bah, vous savez quoi? C'est Clément qui démarre, n'oublie pas. En chanson. Ok. Vous qui êtes avec nous sur Virgin Radio, vous pouvez nous en proposer aussi hein, sur les réseaux hashtag Virgin Pool Party. Clément démarre, après je vous rappelle, si on l'a déjà fait, on tape dans les mains, on assume tout ici. Okay. Si toi aussi tu rentres ton ventre quand tu sors de la piscine, frappe dans tes mains. Ah ouais, pas mal. Bah oui. Beaucoup de filles. Ouais, c'est hyper féminin. Beaucoup bah ouais, nous filles. Pas du tout. Laure, tu veux en tenter un? Moi je rentre mon ventre même quand je monte sur la balance. Genre tu vas la tenter. Non, j'ai pas grossi. Non, j'ai pas tout grossi, bien sûr. J'en ai une, moi. Vas-y. Allez. Ça n'a rien à voir, hein. Mon resto, ça concerne les garçons, là. Hein. Les garçons, n'hésitez pas. Est-ce que toi aussi, quand t'invites ta chérie à manger, ça te fait plaisir, mais quand même, au moment où elle commande, tu regardes le prix du plat discrètement, tape dans tes mains. Oh, il y en a beaucoup quand même. Les radins sont à gauche. Hein. Ouais. Là, c'est la Team Laure. Hashtag Team Laure, là, de ce côté, là. Bravo, les gars. Tous les radins, on les a mis là, les gars. Hop. Ça, c'est sûr, ça va se passer de ce côté. Laure, tu vas en essayer un? Ouais. Si toi aussi, quand il fait chaud et que d'un coup il se met à pleuvoir, t'as envie de tourner la pub de Tahiti Douche Tab dans tes mains. Moi je l'ai ça. Ah, quand même. Moi je l'ai. Qui veut en essayer un, Clément? Alors, Pauline, vas-y, ma chérie. Si toi aussi, quand tu vas à la plage et que tu veux changer ton maillot et que tu mets une serviette à chaque fois, ça rate pas, tu fais tomber et on voit une petite partie de toi. Tab dans tes mains. En tout cas, c'était bien gentil. Pauline, je vous fais Pauline qui fait ton tas dans tes mains. À chaque fois que tu sors de la piscine, en fait, et que t'as le truc, et du coup, après, il y a la Mégane, et ton mari attend, il a pas vipé. Donc, c'est un peu relou, donc tu l'attends sur la 14, en plus, il y a plein de bouchons, t'as tes mains. Il y a des gens qui ont tapé, là. Ça n'existe pas. Ah, j'en ai une, tiens. Vas-y. Est-ce que, à chaque fois qu'on grille, que t'es sur Tinder, tu réponds, non, mais ça fait 3 jours à peine que tu tapes dans tes mains. Oh, ah, j'ai mieux. Ah bah, ouais, si quand on dit. Si quand. Moi ouais, je l'ai pas. Si quand on te dit t'es sur Tinder, tu dis c'est pas moi, c'est une copine qui m'a inscrite, frappe dans tes mains. Ah, une. Elle est seule. Ah, bon, saumon, t'es seule. Oui, ouais, mais... C'est ce que je préfère dans ce jeu-là, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars. Et personne d'autre. C'est vraiment toi, ok. Et ben voilà, les mecs célibataires, vous savez où aller. Hein. Il est saumon là-bas, on est sur de la personne open. Open là-bas et happy hour. J'en ai un autre, Camille. Les amis, allez, un petit dernier, Clément. Attention, les amis, c'est le tape dans tes mains. Si toi aussi, à la plage, t'as déjà fait semblant de dormir avec tes lunettes et en fait, tu regardais les autres, frappe dans tes mains. Okay, j'ai compris où on était. T'as compris où on était ou pas? Et pareil, à la fiance au moins, elle a retapé. Pas elle, c'est une copine elle qui a frappé pour elle. C'est la même qui l'a inscrit. C'est quoi ton prénom, ma chérie? Vanessa? Vanessa. Bon, okay. C'est un prénom à retenir aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va passer la journée ensemble au bord de la piscine. J'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre parler de Vanessa. Donc ça va bien se marrer. Les amis, on écoute C2C tout de suite sur Virgin Radio. Ça va toujours avec Aix-en-Provence? Ouais. Restez avec nous en direct du domaine des paumés. On aurait voulu l'inventer, on n'aurait pas. On peut pas. On peut pas, les amis. Bon réveil à tous. Virgin Radio. Virgin. Salut, c'est C2C sur Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Hello, place to go. Hello, place to go. Darling. Hello, place to go. Hello, place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going.

Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et encore 4 départements en alerte aux orages aujourd'hui, mais dans le sud-ouest, les coups de tonnerre et la pluie qui vont traverser le pays au fil de la journée. Du soleil permanent uniquement sur le sud-est et le Virgin Pool Party d'Aix-en-Provence. 17 degrés cet après-midi à Cherbourg, vous aurez 18 à Brest et 21 à Nantes et à La Rochelle, 22 à Lille, 23 degrés à Paris, 27 à Dijon, Marseille, Nice et Ajaccio, 29 à Perpignan, 30 à Strasbourg, 31 à Chambéry, 31 et 32 à Lyon, et 36 pour Nîmes. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Famille au 71 777. Vous rêvez d'un enfant, votre petit bébé, envoyez famille, FAMI 2LE au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'Opas. Put your hands together. Virgin Radio et Lagardère Sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Virgin. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. We are ready to start up. Robin Schulz. Afrojack, Cassius, Nervo, Greg Boat, Bob Sinclair, Kungs, Menas. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Billet. Electro Summer, le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, Direct Matin et MyTF1. Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez Moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'Opas. Tous les dimanches, 20h, minuit, préparez-vous pour la reprise avec le live Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes de Virgin Radio préférés. De découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, sont les invités de Lionel dans le lab Virgin Radio. Les meilleurs artistes pop, rock, electro sont dans le lab sur Virgin Radio. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Et comme vous l'entendez, ça se passe plutôt pas mal à Aix-en-Provence. Jason est en train de mettre une ambiance de dingue, Jason. Allez, nos amis, on s'en va. Est-ce que les gens du sud sont là? Oh là là. Les amis, il est 4h du mat ici. Je ne sais pas comment on va terminer cette émission. Ouais. Je vous le dis, ça va être n'importe quoi. Merci à tous les gens qui viennent nous voir de toute la France, qui seront là ce matin avec nous pour cette toute dernière de l'année. On voulait partager ce moment avec vous. Virgin Pool Party, n'hésitez pas, excusez-moi, réagissez sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis on va quand même payer votre loyer. Et je vous embrasse, vous tous qui êtes dans toute la France, qui n'avez pas pu prendre de journée de congé et qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles chaque matin. Et on va pas oublier de vous le payer le loyer. Ça se passe comment, Clément? Moi, demain, j'ai envie que Virgin Radio me paye mon loyer. Je fais comment? Alors demain, c'est fermé. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, par exemple, vous avez envie. Vous prenez votre téléphone portable, vous envoyez un petit SMS, vous mettez bien sûr votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Vous pouvez mettre une photo coquine, ce que vous voulez. Mais si vous le faites, prévenez, on ira voir. Et c'est 7, 12, 13 le numéro pour l'envoyer. Après, le SMS part dans une grande boîte à SMS où on mélange tout ça. C'est très un monsieur qui s'appelle, je crois que c'est Gérard. C'est très comme ça, il tire au sort. Et là, on vous rappelle. Loyer au 7, 12, 13, tirage au sort, c'est maintenant. Et quand on fait des émissions comme ça en public, en plus avec le public marseillais, qui est magnifique de toute la France, hein, vous le savez, si ça ne décroche pas, on vous offrira votre loyer ici. Attention, loyer au 7, 12, 13 par SMS, tirage au sort. Et dans un instant, on va se rapprocher du plongeoir. Ouais. Parce que là, on va devoir raconter une blague. Ouais. Bonne blague, elle reste sur le plongeoir. Mauvaise blague, elle tombe. Elle chute. C'est la chute. Elle tombe dans la piscine. C'est parti, on appelle en direct. Déjà, deuxième tirage au sort. On a eu Elodie il y a une heure avec nous. C'est parti. Clément posait une question importante tout à l'heure. Si quelqu'un ne veut absolument pas ici qu'on lui paye son loyer, il faut lui qu'il se manifeste tout de suite. Oui, il faut le dire. Je crois qu'il y avait une personne qui dit non, vraiment pas, je suis blindé, ça m'intéresse pas. Ouais. Non. Il y a une personne qui dit, est-ce que quelqu'un veut éventuellement gagner son loyer? C'était pour savoir. Très bien. Ah, ça y est, c'est... On a mis un peu de temps à appeler. On dirait qu'on fait encore le 16-1. Génial, c'est le bout quand ça décroche. Ouais. La personne, elle comprend pas. Non, on vous souhaite bonne chance. Il reste plus que 3 tirages au sort d'ici la fin de l'année. Ah, ça décroche. Allô, qui est là? Allô, c'est Nathanaël. Nathanaël, mon pote, tu m'as envoyé un SMS. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh, purée, c'est Virgin Radio. C'est Camille Combal. Bravo à toi, mon poteau Nathanaël. Tu viens d'où? Je suis dans l'Est, je suis pas loin de Colmar, je suis au travail là. D'accord, et t'as eu le temps d'un petit peu écouter la dernière? Ouais, j'ai essayé sur l'autoroute, mais j'ai eu beaucoup de mal à capter Virgin ce matin. Ça m'a bien énervé, mais finalement, quand on m'a appelé, c'est énorme. Mais c'est le problème, maintenant, on va mettre un animateur dans chaque station. Retour, s'il vous plaît, les amis. Allô, allô? Est-ce qu'on pourrait couper mon retour? Vous m'entendez? C'est bon, merci. Mon pote Nathanaël, bravo, le loyer est gagné pour toi. Félicitations, mon poteau. Et on va quand même l'offrir à quelqu'un ici dans le public. Vous savez... Il y a quelqu'un qui vient de se jeter dans la piscine. Elle mérite. Je crois qu'elle mérite. Elle mérite. C'est bon, n'importe quoi, cette émission. Viens, moi, chérie, viens. Je crois qu'elle a raconté une blague, en fait, et que ses amis l'ont poussée. Bah alors, je vous explique tout ce qui se passe si vous nous rejoignez. C'est la dernière, hein. C'est normal, c'est un petit peu le bordel. On a dit qu'on allait offrir le loyer de quelqu'un. Quelqu'un s'est jeté à l'eau. Elle le mérite, franchement. Oui. Bonjour. Ça va, ma chérie? Oui, oui. Qu'est-ce que... C'est un pari. Voilà. C'est quoi le... Quel était le concept? Voilà. Fais-toi remarquer, jette-toi. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ok, j'y vais. Ah, t'as rien parié en plus? Quoi? T'as rien parié du tout? Bah, un loyer quand même. À la clé, donc bon. Ah, peut-être, alors. Mais tu sais quoi, ma chérie? Je vais t'offrir ton loyer ainsi qu'un petit. Attends, on a des serviettes miniatures. Si tu alors, je remercie encore si vous n'êtes là pas depuis 6 heures. Je remercie vraiment mon équipe qui était censée faire des serviettes de bain, des tapis de bain. Écoute, on t'en donne 9 et tu devras arriver à te. À être sèche d'ici la fin de l'émission. Rappelle-moi ton prénom. Mélanie. Mélanie, c'est gagné pour toi. Bravo. Courage. Bravo. Ah ouais, franchement. Alors, Camille, juste parce qu'on fait gagner des loyers toutes les heures pour le prochain loyer. Ne le faites pas tous, quoi. Ouais. Parce qu'on va avoir un problème, on est 400, la piscine ne passera pas. Ou en tout cas, vous savez quoi, même si vous faites l'élastique, attendez bien qu'on ait verrouillé l'élastique et tout, faites pas un truc. C'est un pari, Camille. Okay. Les amis, restez avec nous. Laure est sur le plongeoir à l'heure actuelle. Oui. À l'heure actuelle, c'est pas mal ça. Et Nathanaël, bravo, deuxième gagnant. Et je répète, c'est important, hein, loyer au 7-12-13 pour vous. Reste avec nous, ma petite Mélanie. Loyer au 7-12-13, c'est très simple. Vous vous inscrivez, il nous reste deux tirages au sort. Deux personnes. Personne appelle, ce sera nos deux derniers gagnants de l'année pour cette Virgin Pool Party. Laure, comment ça se passe du côté du plongeoir? Le plongeoir de l'humour. Écoute, ça se passe très très bien. J'espère que ma blague va plaire parce que j'ai peur un petit peu, mais bon, écoute, on va y passer dans la piscine de toute façon. On va essayer. Je rappelle aussi, hein, avant la fin de l'émission, énorme saut à l'élastique. La nacelle est à plus de 50 mètres de haut. On a un rodéo mécanique, on a Kungs, on a Synapson qui seront nos invités. Merci à vous tous de nous être fidèles. Et donc là, ma petite Laure, en direct du plongeoir de l'humour, Clément. On peut appeler ça le plongeoir de l'humour. Le principe est simple. Vous êtes au bout du plongeoir, en dessous une piscine, une blague ratée, une chute assurée. C'est exactement le même principe que Brice de Nice. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, vraiment, c'est vous tous au bord de la piscine, hein, qui êtes venus vous réveiller avec nous ce matin. Le principe est simple. On écoute tous la blague de Laure. Et à la fin, on demandera de voter ceux qui la trouvent bonne et pas bonne, ceux qui font le plus de bruit. Et ben, en fonction, Laure tombera dans l'eau, d'accord? Ok. Mélanie, ma chérie, toi qui viens de plonger pour ton loyer, elle est comment l'eau? Elle est super bonne. Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Et elle est comment Laure? Elle est bonne. Pardon. Elle est super drôle. C'est ce qu'on, attendait évidemment. Comme allez, non, on se met sur le plongeoir, on arrête de tergiverser. Attends, à un moment donné, on en a marre. Je suis pas venu là pour entendre péter les boucs. Est-ce qu'on peut parler du maillot de bain de Laure? On veut parler du maillot de bain de Laure. C'est même une pas tenue mal. De soirée. Et si, j'ai un maillot de bain? En dessous. Ah, d'accord. Ah, en dessous, d'accord. Bien sûr. Allez, Laure, attention. Alors, il faut le micro. Alors. J'aime bien, quand même, hein, quand je vous dis que c'est pas pour rien qu'on est dans le domaine des paumés, c'est quand même Laure allait raconter sa blague, donc elle fait peut-être avec le micro. Ouais. Et oui, rapport au fait qu'on fait de la radio. Mais bien sûr, alors, évidemment. Attention Laure, on t'écoute et après on fera les votes. Avance bien. Attendez un mini temps avant de me mettre à l'eau si vous devez me mettre à l'eau. Il y a aucun problème. Au micro. Même là, elle négocie. Même là, elle est en train d'essayer de me faire 30% sur le plongeoir. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est ça se passe dans un train couchette. Je la sens pas du tout. Si, voilà. Tu l'adores. C'est une vieille dame qui prend le train et. Non, c'est une arnaque, tu nous l'as déjà raconté. Ah non, mais ils la connaissent pas, eux. Tu nous l'as déjà raconté. Non, ils la connaissent pas, je te jure. Non, blague refaite. On prend le micro, elle tombe à l'eau tout de suite. Allez, c'est réglé. Attention les mains. Attention, allez voir les images sur le Facebook Live. On y va, on actionne, attention. Les mains sur les genoux. Elle a même pas fait de blague. Mais... Laure, elle fait tout, ce que, tout l'inverse de ce qu'on lui demande de faire. Elle met sur les genoux, elle met sur le côté, prend le micro, elle pose le micro. Attention, bravo Laure. Elle est comment l'eau, Laure, ma chérie? Elle est bonne, attention. On passe maintenant à Nico du bureau. C'est ce qui se fait le mieux. En termes d'humour, on est au top du top. Nico du bureau a préparé une blague. Alors la blague, elle est très drôle, celle de Laure, mais elle nous la raconte toutes les semaines. On n'en peut plus de cette blague. Attention, Nico du bureau, on les va. Les gens sont trop gentils, ils me disent la monte, est-ce qu'elle passe sous l'eau? Non, ils essaient de la récupérer, Nico, ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est les montres où il y a water resist 200 mètres. Qu'à quel moment dans ta vie t'es 200 mètres sous l'eau? Ou alors, si on est 200 mètres sous l'eau, tu veux vraiment savoir l'heure qui est? Le temps tout ça, mais bah, j'ai EDF dans une vie. Aujourd'hui, j'ai quand même 3 paliers, les gars. On y va, attention, Nico du bureau, on écoute ta blague. Et ensuite, vous voterez tous ensemble, on décidera s'il passe à l'eau ou pas. Peut-être que certains connaissent déjà la réponse. C'est... connaissant Nico du bureau, j'espère que tu t'es quand même mouillé la nuque. Non, c'est une petite devinette comme ça à 7h30, voilà, au débeauté, on va dire. Comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? Ah, je sais. Ah, on l'appelle pas, on va le chercher, non? Ouais. Attention, le micro. Ok, alors attention. Attendez. J'aimerais que vous criez ceux qui ont trouvé la blague de Nico du bureau marrante. Alors. Merci. Et ceux qui l'ont trouvé pas marrante. Et ceux qui avaient prévu faire la même. Bon séjour à toi. Et c'est parti, attention, on y va. On actionne le plongeoir. C'est réglé, Nico du bureau aussi, les amis. On va continuer avec ça. L'or est en train de se changer. C'est n'importe quoi, les copains. On a encore le saut élastique. On a une énorme surprise aussi. Je ne sais pas ce que c'est qui arrive dans quelques minutes. Merci d'être avec nous. Merci de nous être fidèles. Un petit point sur l'actu. On reste avec Clément, avec Pauline, avec Laure, avec Nico du bureau, avec toute l'équipe, avec tous les gens d'Aix. Vous êtes merveilleux. Merci d'être venus. On est là, au bord de la piscine. On reste aussi avec Vanessa, la seule qui est sur Tinder. Non, la seule sur Tinder inscrite par une copine, apparemment. Oui, c'est vrai. Restez avec nous sur Virgin Radio. Bon réveil à vous tous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une dégradation va traverser le pays au fil de la journée où seul le sud-est restera sous le soleil. Météo France a placé 4 départements en alerte aux orages. Dans le sud-ouest, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et la Gironde, 26 degrés en moyenne cet après-midi. Les Britanniques demandent le divorce. Le Brexit est arrivé en tête à l'issue du dépouillement de la majorité des bureaux de vote. 52% des électeurs ont voté pour une sortie de l'Union européenne. La première réaction est celle du chef de la diplomatie allemande, qui parle d'un jour triste pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne. Marine Le Pen est la première personnalité politique française à s'exprimer. Elle salue la victoire de la liberté. La patronne du Front National demande le même référendum en France. La suite du brevet pour les collégiens de 3e après le français et les maths hier, dernier jour d'épreuve. Aujourd'hui, l'histoire, géo, enseignement moral et civique ce matin. Quelques 840 000 élèves concernés et les résultats attendus au plus tard le 8 juillet. 55% des Français comptent partir en vacances cet été contre 59% l'an dernier d'après l'Institut BVA. La grande majorité a l'intention de rester en France avec la Bretagne en tête des destinations. Ceux qui envisagent de passer quelques jours à l'étranger plébiscitent l'Espagne devant l'Italie, le Portugal et le Maroc. La façade du siège du syndicat CFDT a été saccagé hier à Paris. C'est la principale dégradation commise en marge de la manifestation contre la loi travail qui s'est tenue dans la capitale. De 70 000 à 200 000 manifestants à travers le pays. La prochaine journée d'action, ce sera mardi. Et puis environ 5 000 personnes secourues hier en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont effectué 43 sorties en mer en 24 heures. La majorité venait de Libye à bord de canots pneumatiques. Selon l'ONU, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. C'est la fête du cinéma à partir de dimanche et jusqu'à mercredi soir. 4 jours pour voir un maximum de films à petit prix. 4 euros la séance. Opération en partenariat avec Virgin Radio, dont vous trouverez le programme sur le site officiel fêtesducinema.com. À l'affiche, Le Monde de Dory, Café Society, La Tortue Rouge ou encore Retour chez ma mère. L'équipe de France de foot quittera Clairefontaine cet après-midi pour remettre le cap sur Lyon en 8e de finale face à l'Irlande. Le match, ce sera dimanche à 15h sur TF1 avec tir au but en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire puis de la prolongation des 8e de finale qui débuteront demain à 15h avec Suisse-Pologne à Saint-Etienne. Et puis en rugby, la finale du top 14 ce soir au Camp Nou à Barcelone. Toulon face au Racing 92 à 20h45 sur France 2. Voilà pour l'actu. Tout de suite, Virgin Tonic, bon réveil. party, Virgin Pool Party. Avec Camille, Camille Combal, on commence déjà à bronzer. Bienvenue à tous sur Virgin Radio les amis, merci de nous être fidèles depuis plus de 2 ans maintenant. Merci d'être là chaque matin avec nous, on prend soin de vous entre 6h et 9h30. On a voulu organiser une immense fête pour cette dernière. Nous, notre kiff, c'est de voir le visage des gens qui se réveillent avec nous chaque matin et voir le coup de barre de 8h15. Vous allez le voir celui-là. Les amis, merci d'être là. Allez voir les images sur Facebook, on a tout filmé. On a même un drone qui survole toute la zone, vous verrez tout, c'est vraiment formidable. Tout le monde est en hawaïen. L'équipe est là, bien sûr. Évidemment, il y a Clément Lacrus, il y a la Ginger, la Pauline, Laure qui est de retour, qui vient de plonger dans la piscine. Et Action vient de payer son loyer, du coup, aussi. Non, les amis, le loyer qui revient, bien sûr, à 8h20. Et alors, je vous fais un petit tour du propriétaire, hein, vous qui n'avez pas pu être avec nous, qui ne pouvez peut-être pas vous connecter. On a un immense coussin gonflable, on appelle ça un big air bag, avec une nacelle qui monte, et la nacelle peut monter très très haut. On peut se jeter dedans. Et là, les amis, on passe toute la journée ensemble, ici, dans le domaine qu'on a réservé pour la journée, et on pourra faire tous ensemble, on pourra faire ça autant qu'on veut. Il y aura le sol élastique qui monte jusqu'à 50 mètres de haut. Énorme. Et qui va y aller? L'un de l'équipe, celui qui perdra le concours, devra s'élancer des 50 mètres. Clément, on dirait un parc d'attractions, est-ce qu'on n'ouvrirait pas l'année ici? Mais on reste un an ici. On ouvre un parc, on concurrence tous les autres. Ah ouais? Et bon, non, je rappelle que c'est le domaine des paumés, donc ça nous était prédestiné. Ça nous va bien. Les amis, il y a encore plein de choses. On a un rodéo mécanique aussi, on va s'amuser avec ça. Il y a plein de trucs. On a des surprises, on a les synapsons qui seront avec nous. Ouais, le chouchou. Ils vont mixer en direct ici depuis la piscine. Kungs, ça arrive aussi. Kungs, il est avec toi. Il sera là dans un instant. Et alors, je rassure ces équipes, on a mis un parasol. Kungs, il voulait absolument qu'il y ait un parasol. Il a son parasol. Le parasol Kungs est ici. Et on l'attend avec impatience. On a même un bar à cocktail là-bas qui est au fond. Oh, ça, c'est chic. Ils nous font des cocktails en direct. C'est le Hard Rock Café d'Aix-en-Provence qui s'invite ici. Ah. Et ça fait plaisir. Moi, je prendrais un Virgin Mojito. Bah, y a ça, il y a les Virgines. Ah ouais? Ils ont de la menthe pour les Virgines. On a les plus gros shakers au monde, apparemment. Ok. Vous savez ce qu'on devrait faire? Non, pas. Il faudrait me trouver un des barman du Hard Rock Café et on le met dans un shaker, un cocktail, et on l'envoie du sol élastique pour shaker le cocktail. C'est absurde, ça me plaît, ça. On fait ça dans 2 minutes. Restez avec nous. Faites monter un des serveurs en haut de la nacelle. C'est lui qui sait un truc. Okay. Avec le shaker, il faut que quand il atterrisse, on puisse goûter le cocktail. Okay. Un cocktail sans alcool, un Virgin Mojito. Ah, mais je goûte plus, du coup. On appelle un mec d'Orangina, du coup, aussi, non? Restez avec nous sur Virgin Radio. On est en direct, c'est un bon bordel. Mais qu'est-ce qu'on kiffe être avec vous, Aix-en-Provence, ça va? Ouais. Restez là tout de suite, on écoute. Qu'est-ce qu'on écoute d'ailleurs? Une surprise. Quand tu sais pas ce que c'est, tu fais tout de suite une surprise. C'est Pink qui arrive tout de suite dans le Virgin Tonic. Merci encore de nous avoir choisi. 6h, 9h30 chaque matin à vos côtés. What's up, this is your Pinkness Virgin Radio. Just like Friday. Tonic. You know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. Crack it like the world, but just one day. Watch this madness, tell it for charade. Nobody's done it. Y'all don't think I can run it, but look, I've been here, I've done it. Impossible, please. Watch, I do it with ease. You just gotta believe. Come on, come on with me. What I do, how you want to. just one day watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway, just like me. Virgin Pool Party jusqu'à 9h30 sur Virgin Radio. Bon, et bien à vous tous sur Virgin Radio. Merci de nous rejoindre, les amis. Je sais même plus l'heure qu'il est. Bon, on est avec vous. En tout cas, on vous souhaite bon courage. 7h39. Non, à 7h39, encore sur le chemin du collège, du lycée, du travail. On vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, on a l'impression qu'il est 16h ici. Mais oui, ouais. On est déjà passé à l'eau. Il fait bon, il fait beau. Il fait 35 degrés ici, Aix-en-Provence. Enfin, dans l'après-midi, quoi. Ça va arriver. Il fait grand soleil, en tout cas. On est passé dans la piscine, on a déjà sauté sur le Big Air Bag. Dans un instant, on va envoyer un serveur avec un shaker en haut du sol élastique qui fait 50 mètres de haut. Et l'une des personnes de l'équipe devra le faire ce matin. Quelqu'un, c'est peut-être moi, hein, devra s'élancer du sol élastique. Et là, je veux personne qui se débine. Là, je veux une équipe soudée. D'accord. Et à un moment donné, l'un d'entre nous sera choisi et devra assumer ce saut. Ce qui est énorme, c'est qu'on en a parlé à 6h du mat, on a chacun une excuse. Ouais, c'est vrai. Si on se débine maintenant, ça compte. Non. Parce que moi, en fait, par rapport à mon poids, ils m'ont dit que c'était pas possible. Personne ne se débine, les amis. On sautera dans un instant. Soyez bienvenus. Mais pour le moment, on va faire avec vous le jeu du blind test de l'été, c'est ça? Ouais. Le tube de l'été game. Le tube de l'été game, oui. Bah, vous l'avez vu, j'ai préparé en amont cette émission. Alors, le tube de l'été game, qu'est-ce que c'est? C'est simple, on a remixé des morceaux très connus, version été, c'est ça, hein? Exactement. On a quelqu'un avec nous, on a un invité extraordinaire, c'est DJ Deschamps. Oh, allez, DJ Deschamps, on écoute ce matin. Ah, j'adore. Et c'est le principe, il est très simple, vous allez voir. Je veux plus. Ça va bien. On a pris des morceaux sur une radio, on les a remixés en tube de l'été. Et personne. Quoi, c'est un gars. Écoute, j'ai grandi à Aix, il y a 2-3 boîtes où tu peux encore. Je peux te faire un booking, toi, je te le dis. Hein. J'ai tout. Ah, il y en a une que t'as pas. C'est quoi? Attends. Ah non. Non, j'ai pas. Attention, DJ Deschamps, donc qu'est-ce que vous nous avez préparé ce matin pour le tube de l'été gay? Eh ben, je vais pas dire les réponses, mais il y a 3 morceaux. Et il va falloir découvrir l'un d'entre vous, peut-être. Il est là, quelqu'un. Il est là, c'est David. David qui a été tiré au sort du public. Il nous a appelé, mais il était là. Ça va, mon David, et tu vas peut-être repartir ce matin avec un iPad mini. Oh là là! C'est sympa, non? Ah, c'est impeccable. Approche-toi, mon poteau. Viens près de moi. David, tu viens d'où? Noisy-le-Grand. D'accord, et donc t'es venu, voilà, t'as pris une journée de congé, t'as pu venir avec nous, tu vas passer toute la journée avec nous au bord de la piscine. C'est ça? Oui, oui. Et peut-être avec un iPad mini. Tu es venu avec qui toi-même? Avec ma chérie. D'accord, elle s'appelle comment? Sarah. Elle s'appelle Vanessa, c'est celle qui a parlé de Tinder. Du coup, j'ai téléchargé l'appli tout à l'heure quand vous en parliez, puis bah ça matchait. Ça matchait avec Vanessa. Alors attention, rappelle-moi le nom de ta chérie. Sarah. Sarah, elle est où? Elle est là. Sarah, méfie-toi de Vanessa là-bas. Hein, tu sais. Fais attention à elle. Elle est pas venue pour enfiler des perles, je te le dis. Attention, iPad mini peut-être pour toi. Il va falloir que tu reconnaisses au moins 2 morceaux préparés par DJ Deschamps. On va écouter le premier. Tu te sens prêt? Oui, oui. Ne stresse pas. Hein. Non, ça va. Si tu gagnes, t'as l'iPad. Si tu perds, c'est toi qui fais le soin élastique. D'accord, pas de problème. Ça veut que bien se passer. Oh, t'inquiète pas. On y va, attention, c'est parti. Allez, mon ami, accroche-toi tes tongs. C'est parti. Hey, hey. Et voilà, ça te fout pas le feu, ça? Alors, mon poteau, est-ce que tu as retrouvé? C'est Louane. C'est Louane, et oui, il l'a retrouvé tout de suite. C'est un remix version été de Louane, mais j'aime bien. Elle est vachement bien. C'est canon. Mais oui. Il peut marcher ce remix, hein. On continue, si vous nous rejoignez, on est en direct sur Virgin Radio, c'est la Virgin Pool Party, on est en direct d'Aix-en-Provence, toutes les images sur le Facebook Live, bien sûr. Et attention, on joue avec David. Attention. Pour un iPad mini, deuxième extrait de DJ Deschamps. C'est parti. On tape dans les mains. Bonjour. Ça manquait de klaxon. On a retrouvé Cœur de pirate. Cœur de pirate. Et oui les amis, Cœur de pirate, ça fait déjà deux bonnes réponses. Mais hey, on va quand même se faire le dernier remix. Attention, de DJ Deschamps. On écoute Jason, vous lui laissez la place, merci à vous, hein. C'est un amateur. On y va, c'est parti, dernier extrait. On y va. Qu'on va l'écouter toute la journée. Et voilà. Ah, elle est trop bien celle-là. Non mais celle-là je l'adore. Ah ouais. Écoute, je vais te faire un disque si tu veux. Frère. Non mais celle-là. Clip de l'été. C'est qui? C'est les frérots. C'est les frérots de la Vega, ouais. Non mais il faut les avoir au téléphone. Je sais pas si on tient pas. Non mais là je suis sérieux. Ouais. Non mais. Remets. Attends, arrête la version. Ça non, y est, c'est le mélancoco. On s'en fout de cette version. Ouais. C'est cette version là maintenant. Il est où le patron de Virgin Radio? Faut jouer ça cet été. Mélancoco. C'est pas mal. Il est là. Il est là. Coco, mais la mélancolie. Il est où le papier? Il est là. Il est avec moi. Fredo, on a un truc. Et là, je suis pas à l'abri de le rentrer direct. Non, mais je peux arrêter de draguer ma mère. Depuis tout à l'heure, il est avec ma mère. Sans déconner. Non, mais c'est pas mal, hein. Énorme. Je sais pas qui l'a fait d'ailleurs. Oh là là là là là. J'ai les ans. Oh là là. Les... Vous aimez bien ce morceau ou pas? Ouais. Mais on tient un truc. Essayez de m'avoir les frérots de la Vega avant la fin de l'émission. Par téléphone, on leur fait écouter, c'est magnifique. Mais oui, mais oui. Le mélancoco, j'ai déjà la choré, moi. Ah non, mais mélancoco. Ouais, ou autre chose. Ouais, ok, d'accord. On va essayer, mais peut-être ce sera un autre truc. Dans la vie, il faut tenter. Les amis, j'aimerais qu'on applaudisse très fort David, puisque tranquillement, au bord de la piscine, eh ben mon David, il vient de gagner son iPad mini qui est juste là, mon pote. Bon, merci Camille, merci Virgin. Merci à toi frérot d'être venu de l'autre bout de la France pour venir faire la fête avec nous. Alors ce matin en direct sur Virgin, à suivre bien sûr et à voir toutes les images sur Facebook. Mais toute la journée on va rester là au bord de la piscine, on va tout faire ensemble. On va beaucoup s'amuser les copains. Tout de suite on va écouter, qu'est-ce qu'on écouterait? Dimone. Génial. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Courage à vous tous, j'ai un loyer à vous offrir bien sûr. Ce sera à 8h20. Et là au bord de la piscine, on écoute Dimone. C'est parti, on va se baigner, on va se rouler des pelles. C'est la fête, c'est la dernière de l'année. Vous allez tellement nous manquer cet été. Je vous embrasse. We'll be right back.

Virgin Pool Party. Jusqu'à 9h30 sur Virgin Radio. J'espère que ça va les amis. Bienvenue sur Virgin. Si vous nous rejoignez tout juste, on est en direct. Alors, je suis parti faire un petit peu le tour de la villa qu'on a louée. C'est complètement dingue. Il y a du sol élastique qui se prépare, il y a de la nacelle, il y a tout ça. Et alors on m'a dit que j'avais une surprise qui m'attendait. Exactement Camille, on t'a envoyé très très loin. Tu vas revenir quand tu vas savoir qui est là. On fait une petite pause musicale, pas avec n'importe qui. On a ramené un groupe mythique que tu adores. Je vous demande de faire du bruit pour Emile et Images. Ils sont là, Camille. Non, ils sont là. Mais oui, ils sont là. Oui. Allez, rejoins-nous, c'est parti. Camille Comba. Au fond des yeux de tes frères tranquilles, tu rêves encore de cette fille aux écailles de rêve qui te dévore. Petite sanguille au reflet de sirène ou aux cheveux d'or. Hey, yeah. Comme un soleil. Tu nages au ciel de son ruisseau, mais dans ta forêt de roseaux, oh, oh, oh, les louves de ta peau. Au Calicoba, dans les eaux troubles du demain, les coups de poisson dans le matin, vas-y, défends-toi. C'est pas eux qui feront la loi. N'aie peur de rien, c'est la vie qui vient. C'est la vie qui va. Oh les amis, mais c'est un truc de dingue. Les copains, mais merci mille fois. C'est que je ne sais pas du tout que vous alliez arriver. Ouais, c'est le principe d'une surprise en fait, Camille. Oh là là là là là là. Viens là, le batteur. Oh là là. Oh, et les amis, mais. Emile et Images avec nous quand même. Hein. Emile et Images, les amis, c'est un cadeau magnifique. Magnifique. Mais c'est un cadeau magnifique. Mais on te les offre vraiment, ils restent avec toi pendant 10 ans. Ouais. Voilà, partout où tu vas. Alors ça, c'est le nouveau morceau. Tu sais qu'on ne l'arrête pas de me l'envoyer sur Internet parce que ce que vous dites, on dirait que ça dit Camille Combal. Ouais, Camille Combal, c'est ce qu'on vient de dire. Là, ouais. Ouais, je sais, mais on n'arrête pas de me le dire sur Internet parce que la parole à l'origine, les paroles, c'est Calicoba. Calicoba. Tout le monde me dit, mais on dirait qu'ils disent Camille Combal. C'est magnifique. Ouais. Et les gars, partez pas comme ça, vous nous mettez une ambiance. Hein. Ben, ouais, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Dans un moment, on se fait tous les délires. On va rester toute l'émission et on va faire aussi Capitaine Abandonné parce qu'aujourd'hui, t'es pas abandonné. Ouais. Les gars, vous me faites Capitaine Abandonné dans un instant ? Ah oui. Ok, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me marie ce matin et je trouve quelqu'un. Là, et non, il y a Emile et Images, c'est le jour pour se marier. Là, il faut qu'on se marie, c'est un truc normal. Les amis, mais c'est un truc de dingue. Je suis comme un fou. Les amis, on fait un point sur l'actu tout de suite sur Virgin Radio. Non, mais Emile et Images, les amis qui sont là. Énorme. Capitaine Abandonné sur Virgin Radio. Virgin Radio, on oublie, hein, c'est plus pop rock électro, c'est Emile Image. Emile Image et électro, restez avec nous, on revient dans un instant sur Virgin. C'est un kiff énorme d'être avec vous. Aix-en-Provence, ça va ? Kungs va venir mixer en direct, Synapson va venir mixer en direct ici. Et alors là, mais on pouvait pas me faire un plus beau cadeau. Emile Image en direct sur Virgin Radio, excellent réveil. On revient, on a des photographes dans l'eau, c'est n'importe quoi. Pour intervenir. Virgin Radio, il est 8h. C'est l'heure de profiter d'un crédit vraiment exceptionnel dans le réseau d'Asvelt Auto. Les occasions des marques Volkswagen, véhicules particuliers et utilitaires, Seat et Skoda. Plus d'informations sur dasveltauto.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. 4 départements du sud-ouest en alerte ce matin, de fortes pluies et des orages violents, de la Haute-Vienne jusqu'à la Gironde, de la grêle attendue sur l'Auvergne et du soleil sur le Languedoc et la Provence. 24 degrés cet après-midi à Paris, 27 à Marseille, 32 à Lyon et 36 à Nîmes. Bye bye, les Britanniques disent au revoir à l'Union Européenne. Le Brexit l'a emporté avec près de 52% des voix à l'issue du référendum organisé hier au Royaume-Uni. Un saut dans l'inconnu qui porte un coup dur au projet européen. En France, par exemple, l'EFN réclame déjà la tenue d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne. François Hollande s'exprimera dans la matinée à l'issue d'une réunion ministérielle prévue à 9h tout à l'heure. Et le président du Parlement européen va s'entretenir avec Angela Merkel pour éviter une réaction en chaîne. Outre-Manche, David Cameron devrait toutefois rester Premier ministre. La manifestation contre la loi travail s'est déroulée dans le calme hier à Paris. Un défilé sous haute surveillance et sur un trajet très court. Bernard Cazeneuve a parlé de conditions optimales. Dans la soirée, toutefois, une centaine de personnes a tout de même commis des dégradations dans le nord de Paris en vandalisant la façade du siège du syndicat CFTT. Il y a eu entre 70 000 et 200 000 manifestants hier dans tout le pays. La prochaine journée de mobilisation, mardi 28 juin. À propos de travail, le gouvernement dévoilera ce soir les chiffres du chômage pour le mois de mai avec l'espoir d'un troisième mois de baisse consécutif. Mais attention, Pôle emploi avait noté une très forte hausse des radiations en avril pour défaut d'actualisation, ce qui fait craindre un effet de bascule avec le retour de nombreux inscrits. Les gardes-côtes italiens tirent le signal d'alarme. Ils ont mené 43 opérations de secours en mer pour la seule journée d'hier en Méditerranée. Des sorties qui ont permis de récupérer quelques 5000 migrants à la dérive. C'est la fête du cinéma ce week-end. Des animations dès aujourd'hui dans certains musées, des projections en plein air et puis surtout des séances à petit prix de dimanche à mercredi soir. 4 euros la séance pendant ces 4 jours. Opération en partenariat avec Virgin Radio. Vous avez plus d'infos sur fêtesducinema.com. Dernier jour de repos pour ceux qui n'aiment pas le foot avant la reprise de l'Euro demain avec les huitièmes de finale. Match à élimination directe avec tir au but en cas d'égalité à l'issue de la prolongation. Suisse-Pologne pour débuter demain à 15h à Saint-Etienne avant Pays de Galles-Irlande du Nord à 18h à Paris et puis Portugal-Croatie à 21h à Lens. France-Irlande, ce sera dimanche à partir de 15h sur TF1 en direct de Lyon. Voilà pour l'actu. Tout de suite Virgin Tonic, la dernière émission de la saison. Bon réveil. Virgin Pool Party avec Camille, Camille Combal. On a tout, merguez ou chipo. Et croyez-moi, on n'est pas seul ce matin. Et oui, on est là, toute l'équipe bien sûr, avec 500 personnes qu'on a invitées de toute la France qui sont avec nous aussi. Et avec 1 800 000 personnes là avec nous comme tous les matins, et voire même plus encore derrière leur radio. Merci de nous avoir rejoints depuis deux ans qu'on est là. C'est un bonheur absolu. Et les amis, je voudrais vraiment nos premiers invités du matin, avant Kungs qui va venir mixer, avant Synapson, ils vont venir mixer aussi les copains de chez Synapson. Je voudrais qu'on les réapplaudisse, ils sont levés à 6h du matin, ils m'ont fait une surprise magnifique. Ouais. C'est Emile et Image qui sont là. Mais les gars, ils sont là. Vous qui m'écoutez à la radio, ouais. je touche leur batterie là à l'heure actuelle. Ouais, ne touche pas trop non plus. Oh là là là, je suis comme un dingue. Merci mille fois les gars. On vous laisse faire une petite ambiance. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit délire, un petit démon de minuit? Allez, ah ouais. Parce que je suis. Génial! Parce qu'on a hésité. Vous savez, on aurait pu aller n'importe où en France. On s'est dit, bon, je suis d'Aix, on va descendre à Aix et je les trouve un peu endormis. Ouais. Chauvisson. On les réveille. Je me dis, peut-être avec les démons de minuit, peut-être on va les mettre dans une ambiance. Attention, c'est parti. On applaudit très fort Emile et Image, nos invités ce matin, les amis. Oh là là là là là, on peut les applaudir. Voilà, vous avez vu ? Ça, c'est un tube absolu. Quand tu réveilles les gens en deux secondes, alors juste, ni Émilie Image, ni moi, on était prévenus. Il y a quand même un gars avec un gilet en cuir qui est en train de cracher du feu. Tout le monde trouve ça normal. Personne n'est choqué. Il y a un gars, on savait pas qui c'était. Il est arrivé, il est tatoué, il a un gilet en cuir. D'un coup, il est arrivé, il m'a regardé, il fait. J'ai peur de tout, moi. Oh, putain. C'est à cause de lui qu'il fait 33 ex. C'est un truc de ouf. Émilie, je peux vous demander un dernier cadeau. Je peux même pas vous laisser partir. Je pourrais, vous voulez pas m'adopter. Je pars avec vous. Je fais le quatrième gars. On fait remonter les amis. Est-ce que vous pouvez pas me faire un coup de capitaine abandonné? Allez, c'est vous les capitaines abandonnés. Ouais, sans déconner. Mais j'adore. Mais je vous dis ça, c'est des tubes. Oubliez Pink, là, oubliez Robbie Williams, oubliez tous les trucs. Ça, c'est un tube. Capitaine abandonné en direct sur Virgin Radio. Ouais. Ça vaut rien sans que t'as pas dans les mains, hein. Et les gars, vous savez à quel point je vous aime, hein. Et vraiment, je vous passe tous les matins, je vous adore les copains. Et je vais vous dire, il y a Kungs qui est un copain de l'émission aussi, qui est grand DJ numéro 1. Synapson, je peux te dire un truc, si vous ont vu, ils doivent avoir la pression. Ouais. Vraiment, mettre une ambiance pareille, les amis, on peut les applaudir. Ils se sont levés à 6h du matin. Merci les copains, merci mille fois d'être venus. Vous êtes à la maison, hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Ah, je vous le dis, vraiment, merci mille fois. Des surprises comme ça, il va y en avoir encore plein jusqu'à 9h30. On est en direct ici sur Virgin Radio. Hashtag Virgin Pool Party pour réagir. Allez voir aussi toutes les images, hein. Ça se passe sur le Facebook Live. On a même un drone qui survole toute la zone. On a mis tellement de trucs de partout. Dans un instant, on va voir Laure sauter en direct d'une nacelle, les amis. Laure, ça va? Ouais, ça va. Je peux vous dire que la vue d'en haut, elle est magnifique. Ouais. Hein. Laure qui dansait toute seule quand même sur une nacelle. Elle voulait bouger sur Émilie Image, mais elle se tenait quand même. Bah oui. Chaque mauvaise réponse, la nacelle pour Laure montera de 4 mètres. 4 mètres? Laure, attends, on m'a vendu 2, moi. Non. Eh ben justement, on le fait plus 100%, c'est génial. Restez avec nous. On a aussi, parce que alors c'est adorable, on a le Hard Rock Café qui ont décidé de nous faire des cocktails ce matin. Mais on s'est dit, c'est marrant le shaker, mais le mieux ce serait qu'il saute à l'élastique. On a un immense saut à l'élastique de haut de 50 mètres. Dans un instant, on envoie notre serveur avec le shaker pour remuer tout ça. Et je goûte. Même moi, en disant ce qui arrive, j'arrive pas à y croire. C'est n'importe quoi. Restez avec nous. Et Synapson qui va mixer dans quelques minutes à peine en direct sur Virgin Radio. C'est parti. Let's go. Qu'est-ce qui se passe là? Mars. Ah bah Bruno Mars, évidemment, on écoute Bruno Mars, excellent réveil, merci d'être avec nous. Swimming in your world, something spiritual.

avant 9h30. Il nous reste plus que deux tirages. On aura plus que deux gagnants sur l'antenne. Seulement deux gagnants qui repartiront avec leur loyer, leur mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Vu la taille de la villa qu'on a louée aujourd'hui, j'espère que le proprio s'est pas inscrit pour le loyer. Parce qu'à mon avis, on le sentira passer. C'est clair. Les amis, je vous souhaite bonne chance à tous. C'est parti, tirage au sort, on rappelle, en direct. Vous décrochez, vous me répondez, Virgin Radio, c'est gagné. Si vous ne décrochez pas, si vous vous trompez de radio, on l'offrira à quelqu'un ici. On a déjà eu Elodie et Nathanaël. Exactement, et là... Et derrière ça, t'imagines, il se trompe de radio. Apparemment, on a appelé Bob 5 là. Je suis pas sûr pour le loyer, alors raccroche, raccroche. Vous êtes super. Wow, Virgin Tony. Kamika, on a appelé Jason, le DJ. C'est quoi ton prénom, poteau? C'est Rouliane. Rouliane, bah, je te pose la question, mais alors c'est vraiment là, si tu te trompes, on va tous, on se jette tous dans la piscine là. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? De 6h à 9h sur Virgin Tonic, c'est Kamika. Bravo à toi, bravo à toi, mon bichon, c'est gagné. Avant-dernier gagnant de la saison. Il est de combien ton loyer, poteau? 1610 euros. Oui. Ah, tu m'étonnes que t'aies le sourire. Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir avec une patate comme ça, c'est ce que tu fais dans la vie. Je suis huissier. Eh ben, je suis enseignant de la conduite, moniteur auto-école. Ouais. Et d'ailleurs, vu que vous êtes vraiment géniaux, et tous les auditeurs Virgin, Tony, vous êtes géniaux. Vous avez tous le droit de rouler sans permis. Non, je vous invite, vous et toute l'équipe, si vous le souhaitez, à venir faire une matinale dans mon auto-école, et j'offrirai un permis voiture et un permis moto aux auditeurs de Virgin. Énorme. Ouais. Voilà, ça fait un an et demi que je vous écoute. Je joue quasiment tous les jours. Je fais du hors parfait à vous envoyer des textos. J'y croyais plus. C'est exceptionnel. Je vous adore. Et vraiment, si vous voulez venir faire une matinale dans votre école, j'offrirai un permis moto et un permis voiture aux auditeurs de Virgin. C'est quoi dont on est aux écoles? Elle est où? Fais un peu de pub. Profite, c'est la dernière. C'est sur Le Mans, dans la ville de Le Mans. J'ai deux bureaux, un bureau à l'université et un bureau rue des Maillets. C'est l'école de conduite TSR. N'hésitez pas à liker la page Facebook et Instagram sur école de conduite TSR. Ah, il est fort. Génial. Hey, t'es un ange. T'es un ange, frérot, et vraiment, et on va même le mettre sur notre Facebook tellement t'es adorable. Mais qui suit une auto-école sur Instagram, sans déconner? Tu vas sur Instagram, c'est pour voir Kim Kardashian en maillot, Elisa Ratajkowski, je sais pas quoi. Qui suit une auto-école sur Instagram? Jean, allez-y. Je suis Camille, je suis sur Instagram, je suis. T'es un amour. Je vous adore, et vraiment, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Je serai un permis voiture et moto. Il faut que tu suives Clément aussi, mais il est pas sur Instagram, il est sur Instakilo. Ouais, oh, méchant. C'est vrai, j'ai développé un truc. Ouh, et voilà. Ouh, bah on vendait une autre école aussi. Clément, et en plus Clément il avait besoin de. Ça tombe bien, mais bon là ça y est, il a eu son permis, Clément. On va en reparler. Camille. On peut le dire ou pas? Je pense qu'on peut dire. C'est Clément quand même, il a repassé son permis, vous savez, il était là et il nous a dit j'ai trouvé un plan génial. Non, j'ai récupéré mon permis, j'ai machin, on lui dit bravo et tout, mais moi le premier je me dis c'est quand même allé assez vite. Tu vois, parce qu'il avait perdu son permis, tout ça, je dis c'est allé assez vite. Bon bah 2 mois après le gars est en prison, hein, c'est ça. Il avait aussi donné le permis à Samina Série et tout, bon bah c'est le gars qui avait vu Clément. À l'heure actuelle, Clément n'a toujours pas reçu le permis. Hein. Voilà, je vous mets à l'aise. C'est vraiment passé, j'y suis allé, je me justifie sur le fait, il est vraiment en prison quand même. Bon, j'irai le repasser au manche. Et on t'embrasse, frérot, félicitations. En tout cas, t'es l'avant-dernier gagnant de la saison. Il restera un tirage à 9h20, loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Je voudrais qu'on retourne maintenant du côté de la nacelle avant d'aller au sol élastique, avant d'écouter Synapson, nos invités qui vont venir mixer dans 2 minutes à peine. Les amis, Laure est en haut d'une nacelle et en bas de cette nacelle, il y a un immense coussin gonflable. Il y a plein de bêtes dessus. Qui est amorti. Qui est amorti, mais quand même, je vous jure, c'est extrêmement impressionnant. Laure? Oui. Le principe est très simple. Si vous étiez avec nous depuis 6 heures, Pauline a relevé le défi, Pauline a sauté. Pauline, oui. Tu m'as fait très plaisir. Merci. Et j'ai eu très peur. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des guettes un peu partout. Il y a beaucoup de guettes. T'as envie de sauter, en fait. Je suis très fier de toi. Laure, oui. Il est temps de te rapprocher de la nacelle, le principe sera le même. Oui. Laure, oui. Je vais te poser des questions de culture générale. J'ai un passeport ici dans les mains, du CM2 vers la 6e. C'est celui que tu avais dans les mains tout à l'heure, Laure. D'accord. Je vais te poser des questions, ma chérie. Je sens qu'elle a vu les réponses de Pauline tout à l'heure. Ouais. Pas du tout, pas du tout. On peut choisir d'autres questions. Non, mais j'ai rien vu. Laure, à chaque question, vu que tu as eu la chance d'avoir ce truc dans les mains et qu'on connaît ton côté un petit peu tricheuse. Mais pas du tout. Je veux que la nacelle augmente de 4 mètres oh là à chaque mauvaise réponse. Et à la fin, là où sera la nacelle, tu devras t'élancer et sauter dans le coussin en bas. Et j'ai le cœur qui bat à 10 mètres. Et je rappelle qu'avant la fin de l'émission, soit l'élastique aussi, hein, de haut de 50 mètres. Attention, Laure, la question, la voici. On est des citoyens, bien sûr, français. Bien sûr. Où se situe la France ? Mais il n'y a pas que la France dans le monde, on est des citoyens du monde avant tout. Oui. Bien sûr. Géographie ? Peux-tu me donner ? Oh non, pas une question géo. Peux-tu me donner le nombre d'habitants dans le monde, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui ? À un près. À quatre près. Il n'en est pas la moindre idée. Donne un chiffre au hasard, ça peut être ça. Okay. À quatre près. 14. 5 milliards. 5 milliards. 7 milliards. Non, non, elle se fait souffler. Non, non, je me fais pas souffler. 7 milliards. Non, je viens d'en voir 2 milliards de plus. J'avais pas vu, mais comme je suis monté de 4 mètres, j'avais pas vu les Chinois derrière. On est en train de vérifier sur Wikipédia, mais la personne qui s'occupe de la nacelle peut déjà activer la montée tranquillement. Ça sert à rien de perdre du temps. Hein. On est un petit peu à la bourre. Restez avec nous sur Virgin. Je crois que c'est 6 milliards et quelques. Combien d'habitants part, on est à. Oh là là, mais les amis, vous êtes bien loin. 7 milliards 4 millions. Oh mon dieu. La nacelle de 4 mètres. Il reste 2 questions. Stop. Laure ? Oui. On sait que tu as une passion dans la vie. Oui. C'est les soldes. Oui. Laure ? Ah mon dieu. Aujourd'hui, ce matin, oui. Je me rends dans le magasin Tati. Ouais. Porte de la Chapelle. Ouais. Je veux m'offrir le petit haut Samba. Ouais, sympa. Il est rose, il est très joli. À combien je le touche ? 9,99. Montez la nacelle. Non. 7,80. Non, arrête. 7,80. Et oui, c'est. Non, mais pas plus, je t'en supplie, pas plus. Et c'est une question qui est dans le passeport, bien sûr, du CM2 à la 6e. Bien sûr. C'est dingue. Ça veut dire que tous les CM2 vont aller chez Tati ce matin. On monte. Ne m'arnaquez pas, je veux du 4 mètres. Non, stop, je t'en supplie. Oh, attention, on y va, dernière question. Oh là là, mais. Laure. Ça va, alors, je l'ai fait. Laure, s'il te plaît. Plus haut, plus arrête, haut, Clément. Plus haut. Laure, attention, voici la dernière question. Tremble, c'est horrible. La dernière question avant de savoir si tu vas sauter d'ici. Ouais. Ou d'encore plus haut. Ça commence à faire très haut, même si c'est hyper haut, je te jure, c'est hyper haut. Ah, mais je vois, hein, pas beau. Il y a le drone qui est en train de te filmer, allez voir les images, Laure. Oui. La question, la voici. Oui. Temps de la trouver. Oh là là, mais c'est très très haut déjà, je te jure. Laure, est-ce que tu pourrais me citer ? Ouais. S'il te plaît. La question s'arrête là. Est-ce que tu pourrais me citer ? Camille Combal, c'est gagné. Arrêtez. Laure, peux-tu me citer ? Ouais. J'ai pas de question. Moi, j'en ai une. J'en ai une, si tu veux. Vas-y. Question géographie. Oh non, pas de la fois. Quelle est la capitale de la Roumanie ? Bucarest. C'est une bonne réponse. Non, ouais, attendez. Quoi ? Je suis très ami avec l'ambassadeur roumain. Ah oui, ça vient de changer, ça a changé hier soir. Non, c'est pas juste. Oh, la pauvre. C'est pas juste, c'est la seule capitale que je connais. Mais je sais, c'est pour ça que je te pose la question, Laure. Je suis désolé, la réponse n'est pas validée. C'est pas juste. La réponse n'est pas validée car il y a eu soufflerie. Non, attends, j'ai une bête. À la place, on va te demander. Non, arrêtez, stop. Une autre capitale. Dans un instant, reste avec nous sur Virgin Radio, on fait un point sur l'actu. Laure est à peu près là maintenant. Je pense quand même elle doit être à 10 mètres. Non, mais elle est au moins à 10 mètres du sol et elle va encore augmenter de 4 mètres. Vous savez quoi, la nacelle ? Montez tout de suite, de toute façon, on va trouver une question dont elle n'aura pas la réponse. Les amis, on se retrouve dans un instant. Restez là, on fait juste un point sur l'actu, on revient. C'est le Virgin Pool Party en direct avec vous sur Virgin Radio, avec tout Aix-en-Provence qui est là avec nous ce matin. Bon réveil à vous tous, les amis. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une dégradation va traverser le pays au fil de la journée où seul le sud-est restera sous le soleil. Météo France a placé 4 départements en alerte aux orages dans le sud-ouest. La Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et la Gironde, 26 degrés en moyenne cet après-midi. Les Britanniques demandent le divorce, bye bye. Le Brexit est arrivé en tête à l'issue du dépouillement de la majorité des bureaux de vote. 51,9% des électeurs ont voté pour une sortie de l'Union Européenne. C'est désormais officiel. La première réaction est celle du chef de la diplomatie allemande qui parle d'un jour triste pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne. Marine Le Pen a été la première personnalité politique française à s'exprimer. Elle a salué la victoire de la liberté. La patronne du FN demande le même référendum en France. Et François Hollande s'exprimera, lui, à l'issue d'une réunion ministérielle prévue à 9h ce matin à Paris. La suite du brevet pour les collégiens de 3e après le français et les maths hier, dernier jour d'épreuve aujourd'hui. L'histoire, géo, enseignement moral et civique ce matin et quelques 840 000 élèves concernés. Les résultats attendus au plus tard le 8 juillet. 55% des Français comptent partir en vacances cet été contre 59% l'an dernier d'après l'Institut BVA. La grande majorité a l'intention de rester en France avec la Bretagne en tête des destinations. Ceux qui envisagent de passer quelques jours à l'étranger plébiscitent l'Espagne devant l'Italie, le Portugal et le Maroc. La façade du siège du syndicat CFDT a été saccagée hier à Paris. C'est la principale dégradation commise en marge de la manifestation contre la loi travail qui s'est tenue dans la capitale. De 70 000 à 200 000 manifestants dans tout le pays. Prochaine journée d'action, ce sera mardi. C'est la fête du cinéma à partir de dimanche et jusqu'à mercredi soir. 4 jours pour voir un maximum de films à petit prix. 4 euros la séance. Opération en partenariat avec Virgin Radio dont vous trouverez tout le programme sur le site officiel fetedusinema.com. À l'affiche, Le Monde de Dory, Café Society, La Tortue Rouge ou encore Retour chez ma mère. L'équipe de France de foot quittera Clairefontaine cet après-midi pour mettre le cap sur Lyon en vue du 8e de finale face à l'Irlande. Le match se sera dimanche à 15h sur TF1 avec les tirs au but en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire puis de la prolongation des 8e de finale qui débuteront demain à 15h avec Suisse-Pologne à Saint-Etienne. À propos de l'Euro, le français Dimitri Payet et la sélection anglaise ont été le joueur et l'équipe la plus commentée sur Twitter durant la phase de poule. L'équipe de France arrive 3e derrière la Turquie. Voilà pour l'actu, bon réveil. Jusqu'à 9h30, la Virgin, Virgin Pool Party. Avec Camille, Camille Combal, on a tout, merguez ou chipo. Je viens du sud. Oh, Camille. Et partout les chemins, j'y reviendrai. Les amis, c'est en train de devenir n'importe quoi. Ça y est, la piscine est remplie là. Voilà, tout le monde est en train de faire la fête, tout le monde est sur les matelas. Et il y en a une qui est pas au frais. Je peux vous dire, il y en a une qui est pas bien. Ça y est, ça commence à faire des bombes. Tout le monde est arrosé, ça part dans tous les sens. Mais c'est le principe de la Virgin Pool Party. Les amis, on est en direct d'Aix-en-Provence. Vous suivez toutes les images, bien sûr, sur le Facebook Live. Et Laure, là, c'est le moment. Voilà, Laure, là, on arrête de rigoler parce que Laure, à l'heure actuelle, elle est très haut. Là maintenant, on arrête de rigoler, on l'a encore monté. Je vais vous dire un truc, hein. Allez, si vous n'avez pas les images, et Laure a le vertige en plus. Ah non, mais au-delà du vertige, Camille, j'ai eu un enfant, j'avais moins peur d'accoucher. Là, je pense qu'elle est bien à 12-14 mètres de haut, là. Ouais, on peut faire une péridurale. Ouais, on est à plus de 10 mètres. Il a dit 12. 12 mètres de haut, 12 mètres de haut. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio, si vous nous rejoignez tout juste. C'est le Virgin Pool Party, c'est Laure maintenant. Qui a bien répondu à une question, qui a répondu à deux mauvaises, qui a mal répondu à deux questions et qui m'a maintenant devoir s'élancer. Oh non. Laure. Oui. Comment tu le sens? Mal. Mal. En fait, c'est très joli. La vue est très jolie. Mais je préférais redescendre à pied, figure-toi. Une nacelle, je rappelle, il y a un matelas en bas. Laure, il va falloir sauter. Oh non. Laure, Pauline l'a fait. Oui. Camille. Laure, au nom des auditeurs de Virgin Radio, au nom de la France. Oh, Camille. Oh non. Du monde entier. Au nom de toutes les Laure. Au nom de toutes les Radines qui nous écoutent. Tu dois les représenter et sauter maintenant. Laure, garde ton micro, je te souhaite. Là, ça fait haut, je te jure. Moi, non, mais même c'est moi, très, je sais pas. Très bien. Haut, Camille. C'est très, très haut, je te jure. Tout le monde t'encourage, Laure, il faut y aller. Je ne sais rien. Ok. On va compter jusqu'à 3, attention. Oh là là, je peux pas y aller. Attention. Tu peux. Attention, les amis. 3, non. 2, 1. Je peux pas, Tu peux. J'ai trop peur. Récite le Corbeau et le Renard. Oh là là là là, c'est même pas que j'ai peur, c'est que je sens plus mes jambes. Elle est tellement haut, les amis. Oh là là, tellement. On peut pas descendre un tout petit peu. On y va, Laure, on y va, c'est parti. Un tout petit peu, descends un tout petit peu. Laure, réfléchis là. Laure, fais-le en chantant, ça passe tout seul. Non, un tout petit peu, on descend. Bon, Laure, ok. Monsieur de la nacelle, un tout petit peu, je vous en supplie. On descend 2 mètres et on enlève la cédille. Allez, 2 mètres, ça fait 10 mètres. Est-ce que le monsieur nacelle, Nacelle Arafat, entend en haut et peut baisser, je t'offre 80 cm. 80 cm, ouais, c'est possible. C'est bizarre, okay, cette c'est, phrase. C'est déjà cette phrase. Je la sors 80 cm. Ne la sortez jamais du contexte. Laure, maintenant il faut y aller. Attention, okay. La France attends, attend tous peu. Les gens dans leur, devant, leur, devant leur télé, j'allais dire, pardon. Attends. Devant leur écran, si vous nous suivez sur Facebook ou à la radio, attendent que tu sautes, ils ont confiance en toi. Laure, c'est la dernière de l'année. Il faut y aller. Ah, le matelas se dégonfle. Ouais, le matelas se dégonfle. Attends, non, non. Bah, le matelas se dégonfle quand on descend, c'est le problème. Non, c'est. Oh là, tu me crois que la nacelle, elle veut pas descendre? Tu me crois que la nacelle est bloquée? Elle a réussi à négocier bon, la nacelle. Bon, voilà. Laure, attention, on y va. La nacelle est descendue à peine d'un mètre. Laure, attention. 3, 2, 1, top. Allez 5. Laure, tu vas y arriver. 4, 3. Bon ben maman non, toujours pas, toujours pas, Laure est toujours... Maman, maman. Attends, j'ai trop peur, c'est horrible. Laure, il est midi et demi. J'arrive pas à me lancer en fait, c'est normal, réfléchis. Ok, attends. Laure, il va falloir prendre une décision. Allez. 1, 2, 3. Elle l'a fait, elle l'a fait. Ah ben voilà. Elle est tombée juste à côté du matelas. Oh non, arrête. Arrête, Laure. Elle est tombée ça, sur le matelas. Ça va, Laure? Très bien. Elle est en train d'accoucher. Tu voulais ton deuxième enfant. Oh mon Dieu. Je descends de... Oh mon Dieu, je vais descendre. Doucement, doucement. Les amis, attention. Bravo, les amis, pas tous en même temps. Je l'ai fait. Alors... Elle a eu très très peur. Je m'excuse pour vous qui écoutez dans votre voiture, qui avait été obligé de baisser le son parce que si on n'avait pas des alarmes, la vitre allait briser tellement hurler. On peut applaudir très fort Laure qui vient de le faire. Bravo. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On a installé un saut à l'élastique. Dans un instant, notre serveur va devoir checker un cocktail en direct du saut à l'élastique. Restez avec nous sur Virgin Radio. Montez-le. Commencez à le monter. Puisqu'ils ont un shaker, bien sûr, pour nous faire les cocktails. Et donc, on va essayer de faire le shaker directement du saut à l'élastique. Et en fin d'émission. En toute fin d'émission, là, dans un instant, on va trouver qui va le faire. Ou Ginger. Ou Pauline. Ou Laure, elle devrait y retourner. Ou Nico. Ou Clément. Ou Fredo, le patron de Virgin Radio. Et moi aussi. On va tous faire un grand concours. Et celui qui perd ce concours devra s'élancer dans le saut élastique. Il est haut de 50 mètres, je vous jure, on est en bas. C'est hallucinant. Restez avec nous sur Virgin Radio. Et bravo ma chérie. Alors t'as eu peur? Mais c'est au-delà de peur en fait. C'est-à-dire que tu te jettes dans le vide. Alors autant tu vois pas le sol du matelas, tu vois la vue, donc t'as l'impression que t'es à 200 mètres de haut, quoi. Mais là, t'étais très haut, t'étais à plus de 12 mètres. Je te jure, j'ai une idée, Camille, de concours pour le sol élastique. On prend une balance, on monte dessus. Ouais. Celui qui fait le moins perd. Ok, Restez avec nous sur Virgin. J'espère que vous avez l'occasion de voir les images. Ça y est, tout le monde est dans la piscine. Au début, tout le monde était un peu timide. Vous savez, c'est comme une boum quand t'es en quatrième. Il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Puis t'attends le petit scorpion, le petit slow pour inviter tout le monde. Bon, ben là, ça y est, les rencontres se font. Les garçons sont sur les filles. Les serveurs américains. On a tout le monde. Vanessa, la chaudasse du jour, est déjà à 3 pelles, les amis. Elle a déjà emballé 3 personnes. Restez avec nous sur Virgin Radio. C'est le Virgin Pool Party. C'est parti pour une journée de dingue ici en direct d'Aix-en-Provence. On écoute les Maroon 5. Excellent réveil à vous. Virgin. Get away. sur Virgin Radio. Les amis, je crois même pas que ce serait possible. Clément est en train de donner un cours d'aquagym. Exactement. C'est énorme. Tu sais que j'étais maître nageur avant. Toi, t'étais maître nageur. Bah, j'ai déjà donné des cours un peu d'aquagym. Ah bon? Bah écoutez, c'est en train de se passer. Là, il y a du monde dans la piscine, il y a du monde derrière. On a le stand de cocktail du Hard Rock Café Marseille. On les remercie mille fois. Ils sont venus comme ça spontanément. Ils nous font les cocktails, bien sûr. On a plein de monde. Je vous remercie tellement d'être venus de toute la France. On va faire une fête extraordinaire aujourd'hui. Merci à vous tous de nous suivre depuis deux ans si nombreux. On est 1 800 000 à se réveiller chaque jour tous ensemble dans le Virgin Tonic. Hashtag. Virgin Pool Party. Ah oui. Oh là là, Emile et Image étaient avec nous tout à l'heure. Ils ont chanté Capitaine abandonné et tout. Et là, attention, dans 5 minutes à peine, vous allez voir arriver ce qu'on appelle des beaux gosses. Les gars sont DJ, les gars font la tour de la terre entière. Ils sont là ce matin. C'est les Synapsons qui seront avec nous dans 2 secondes. Alex et Paul. Eh ouais, là ça va être une ambiance de dingue. Une ambiance de dingue. Et puis je vous le rappelle, avant la fin de l'émission, c'est très important. Une des personnes de l'équipe, et j'ai rajouté le patron de Virgin Radio, Fredo, l'un d'entre nous, celui qui perdra au jeu, devra, écoutez bien, sauter du sol élastique de 50 mètres. Là, la nacelle est en place à l'heure actuelle. Allez voir les images, c'est hallucinant, les amis. Franchement. Et qui est dessus pour la blague, quand même? C'est très, très, très impressionnant. Qui es-tu? Qui est dessus pour la blague? Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant. Ah oui. Là, maintenant, c'est notre serveur avec le shaker. Parce qu'il fait le malin depuis tout à l'heure, il shake des cocktails et tout ça. On s'est dit, puisque tu veux shaker, on va le faire nous-mêmes. On l'a envoyé avec un cocktail dans le shaker. Et il va être directement fait avec le sol élastique. Et après, on fait pareil avec un médecin généraliste qui fera un check-up dans le. Juste pour la vanne, s'il y a un médecin, on voit direct là-haut. Les amis, attention. Comment il s'appelle, José, notre serveur? José. José, comment ça va, frérot? Ouais, c'est où, hein? Et frérot, à l'heure actuelle, t'es. Mais je te jure, d'en bas, ça fait peur déjà. T'es à 50 mètres de haut. C'est moi qui pleure, là, oui? Le pauvre. On n'a même pas de retour tellement c'est haut. Il est plus près de la lune que de la piscine. Les amis, pour vous donner une idée, le pauvre José, il est arrivé, il a dit venez, je vais vous faire des cocktails. Il se retrouve en haut, à 50 mètres de haut. Ça va nous donner une idée de ce qui nous attend en fin d'émission, puisque l'un d'entre nous va devoir s'y coller. José, mon poteau, t'as le cocktail dans les mains? Ouais, on l'entend pas, mais il a le cocktail dans les mains. Oh, le pauvre. Et je vais donner quand même un dernier conseil à José. On n'est pas sûr du câble, donc vise la piscine. C'est tout ce que je peux faire pour toi, mon ami. José, ça va? José? Ouais? Ça va? Non! Je sais. Oh, c'est abusé, hein, je suis venu faire des cocktails. Hein. Je vois la belle Mondo. Hein. José. On rigole en bas. Ouais. Moi, José, je te comprends vraiment. Je suis avec toi. Ouais. Je comprends, non, alors, tu veux aller avec lui, José, mon poteau, va falloir y aller. Ça nous donnera une idée de ce qui nous attend en fin d'émission. C'est le premier saut de la journée. Et toute la journée, on pourra le faire. Tous ceux qui ont le courage, qui ont envie de le faire, ça reste pour toute la journée. José, attention. Prends bien le shaker et on goûte le cocktail dès que t'es en bas. C'est parti, c'est quand tu veux. Oh là là. Oh mon Dieu. Je peux même pas regarder. Je peux même pas regarder. Ah ouais, c'est facile en bas. Ouais, c'est facile. Ah là là. José. On se croirait à l'avant-première d'Hélène et les garçons. José. Oh là là. Ouais. Au nom du hard, au nom du rock et au nom des cafés. Ouais. Fais-le pour eux. Pas. Faut faire le décompte. Ah le pauvre. Oh là là là là. Allez, attention, on fait comme pour l'or. De fou, là. 3, 2, 1, José! Ouais, mais il a fait comme pour l'or, il est pas sauté. Mais oui, parce qu'en fait, quand vous faites ça, ça met trop la pression. Attends, il faut recoter, là, aussi. Oh. Allez, n'oubliez pas, c'est 3, 2, 1, José. Hein. Attention. C'est sûr, il n'y a pas... 3, 2, 1, José! toujours pas. José est toujours sur la nacelle. Je crois qu'il faut pas faire de bruit pour non, José. Non, mais c'est horrible, en fait, quand vous comptez. Les amis, attention, et j'espère vraiment que vous êtes avec nous, les images, c'est hallucinant, hein. Je vous rappelle, notre serveur José a un shaker. Et faites attention en bas, au cas où il lâche le shaker quand même. Hein. Il a le shaker dans les mains, il va nous faire un cocktail, il va tenir le cocktail en sol élastique. Après, je fais juste un bas là. À mon avis, il sera bien fait le cocktail. Il y a un avion, regardez, qui passe au-dessus de José, c'est pas une blague. Regarde très très loin. Il passe au-dessous de José. Ouais. C'est le Paris-Marrakech. José, est-ce que tu te sens de le faire ou pas? Ouais. Pauvre José. Oh, je préfère faire des cocktails. Oh. Et tu seras un héros après. C'est moi? Allez. Pas dans le journal. José. Bien, c'est moi. Ouais. Allez, José, c'est parti. Plus fort. Ouais.

the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. Sur Virgin Radio. Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez, vous avez manqué déjà plein de choses. Émission exceptionnelle, hashtag Virgin Pool Party, c'est là que ça se passe le matin. Cherchez pas, on est là jusqu'à au moins 10h, 10h30 ce matin. Pour la toute dernière, les gens sont dans la piscine, on est en direct d'Aix-en-Provence. En direct du domaine de la paumée. Des paumées. Domaine de la paumée. Ouais. Bien nommé. Ouais. C'est Pauline du Standard qui a choisi le dos. Elle a dit je le sens bien, celui-là il est fait pour moi. Et je me suis pas trompée. On a fait plein de choses déjà. On a sauté deux fois de plus de 12 mètres de haut. On a lancé José, notre serveur, en haut du sol élastique. Et dans un instant, on fera un concours pour savoir qui de l'équipe ou du patron de Virgin Radio sautera du haut des 50 mètres. Les amis, ça va être exceptionnel ce qui va se passer dans l'émission. Kung sera notre invité aussi tout à l'heure. Mais pour le moment, on les adore. Paul, Alex, les synapsons sont là. Ouais, avec nous. On les applaudit. Regardez-les-moi. Regardez-les-moi, les deux Lascar. Comment ils vont, Paul et Alex? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah, ça, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment des copains de l'émission. On les a reçus tout le temps. On les adore. Beaucoup, ils sont aussi gentils que talentueux. Et les potos, faire notre dernière avec vous, c'est un très beau cadeau. Merci. Bah, merci. On est ravis d'être là. Merci beaucoup. Vous étiez hier soir à l'électrochoc? Ouais. Donc, électrochoc dans la nuit pour venir ici pour mixer avec nous. Voilà. Waouh. Et là, je peux te dire, les lunettes, c'est des doubles foyers. Ouais. Ils sont raides. Et en plus, ils sont pas venus seuls. Ils sont venus avec Tessa B qui chante sur le dernier single. Oh là. Lay Down. Oh là là. Ouais. Oh là là. Qui est déjà sur Virgin Radio, bien sûr. Bah, bien sûr, évidemment, les gars. Vous l'aviez même pas encore enregistré. On l'avait déjà mis sur Virgin Radio. Et ils étaient même pas rentrés en studio. On l'avait déjà. Ça, c'est vraiment des gens qu'on aime beaucoup. Les Synapsons et Aix-en-Provence. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est un très beau cadeau. Ils ont roulé toute la nuit pour être là ce matin et ils vont mixer pour vous en live avec Tessa B. Vous allez voir, voix de dingue. C'est parti les copains. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci à toi. Merci à toi, je te le dis. C'est toi, merci, d'accord? Merci à toi. Ne vous embrouillez pas, les gars. Ok, j'en ai rien à foutre. Tu continues de me ramener comme ça. Calme-toi, Camille. Je suis en train de péter les plombs. C'est la les gars, je vais vous foutre un câlin dans la gueule, moi. Ça vous fait bizarre. Il va encore faire une crise d'amour. Il va faire une crise d'amour. Viens là dans deux secondes et je vais te mettre un câlin dans ta gueule. Allez, c'est parti. Synapse en live. That's why I want you right now. It was something I'm on in this place. I was struggling. I tried to put the blade down. But this time I'm ready to feel it. Damn, I'm ready to feel it. I guess I've got some clue. Forget all that, it's not worth it. I will for fucking straight. That's my only issue. Can you put the blade down? attitude that don't belong to you. I am my own crew. I'm an animal that eats better than a soul food. But you can buy my love with a gold proof. Do I make a love? I was wide out. Take a run and I can understand why you lie. Think a tough guy, but your thinness, my confession is diminished. So do women disgrace come without a trace? I guess we can escape in a room, but gotta face. I can't quit this world. I don't mix my sick now. You must turn up all epic and stop like queer. Think, get yourself together. I'm a dope chick and I deserve better. So the way I've got him pushing on, I gotta do is pain for the way that I'm beginning on a beat that I've been living. Ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, ooh. On peut les applaudir très très fort, c'est nos invités ce matin, ils ont roulé toute la nuit pour être là avec nous les amis. Les Synapsons, applaudissements pour eux, Tessa Bay, leur chanteuse, leur tout dernier single. Ça c'est vraiment des copains, bravo les mecs. Ok les gars, bravo, bravo les mecs. Vous avez plus de micro? Vous avez dormi combien de temps les gars? 3 heures, 3-4 heures je crois. 3 heures, seul? Seul ouais, ouais, ouais. Oui seul, non, oui, chambre oui, séparée, oui, ouais, ouais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les amis, merci encore, vous étiez à l'électrochoc, vous avez complètement mis une énorme ambiance et ce matin encore les Synapsons sont avec nous. Et vous savez, vous venez quand vous voulez les gars. Ouais mais là c'est fini. Non ouais, mais là, le mec il nous invite. Le mec il nous invite en fin de saison. Même à la maison les gars. Et même à la maison, il y a mes parents qui sont là, on vous invite à la maison. Maman, on invite les Synapsons à la maison. On les invite à la maison. Voilà, on la phrase la plus improbable. Maman, il y a les Synapsons à dîner mardi. Il y aura assez ou pas où je refais les courses? Ma mère doit dire, il y a Véronique Sanson. Quand est-ce qu'elle vient, Véronique Sanson? Merci les copains, on les invite. Merci à toi, merci à vous beaucoup, Virgin. Foncez, le single est canon, ça c'est des amis. Et c'est parti. On fait l'album Convergence qui sort, qui réédition de l'album Convergence, ça sort le 12 août, c'est ça? C'est le 12 août l'album Convergence. Exactement, la réédition sort le 12 août avec 5 titres inédits dont le Blaydown. Calmez un peu les boîtes, bossez un peu la promo les gars. De toute façon vous êtes largués sur les albums hein. Faut encore faire des albums les mecs. Restez avec nous, on fait un point sur l'actu, c'est important, c'est le dernier de la matinée. Régional de l'étape, Kungs vient aussi mixer ici en direct pour la Virgin Pool Party. Ça y est maintenant, hein, tout le monde est en maillot de bain, c'est n'importe quoi, tout le monde est dans la piscine, on va passer une matinée géniale. La plus grande merguez du monde va arriver ici même, on la mangera tous ensemble. Non mais, j'adore cette phrase. Improbable. J'adore cette phrase. Restez avec nous, on vient dans deux secondes et dans un instant, quelqu'un de l'équipe ou Fredo, le patron de Virgin Radio, s'élancera du haut de 50 mètres à l'élastique. A tout de suite les amis, excellent réveil. Virgin Radio, il est 9h. C'est l'heure de profiter d'un crédit vraiment exceptionnel dans le réseau d'Asvelt Auto. Les occasions des marques Volkswagen, véhicules particuliers et utilitaires, Seat et Skoda. Plus d'informations sur dasveltauto.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. Quatre départements du sud-ouest sont en alerte ce matin de fortes pluies et des orages violents de la Haute-Vienne à la Gironde, de la grêle attendue sur l'Auvergne et puis du soleil sur le Languedoc et la Provence. 24 degrés cet après-midi à Paris, 27 à Marseille. Bye bye. Les Britanniques disent au revoir à l'Union Européenne. Le Brexit l'a emporté avec près de 52% des voix à l'issue du référendum organisé hier au Royaume-Uni. Un saut dans l'inconnu qui porte un coup dur au projet européen. En France, par exemple, le FN réclame déjà à la tenue d'un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne. François Hollande s'exprimera dans la matinée à l'issue d'une réunion ministérielle qui va débuter maintenant à l'Élysée. Et le président du Parlement européen, de son côté, va s'entretenir avec Angela Merkel pour éviter, dit-il, une réaction en chaîne. Dans le reste de l'actu, la suite du brevet des collèges. Après le français et les mathématiques hier, place ce matin à l'histoire géo et à l'enseignement moral et civique. Près de 840 000 élèves de 3e sont concernés. Le résultat, ce sera au plus tard, le 8 juillet. Le gouvernement dévoilera ce soir le nombre d'inscrits à Pôle emploi à la fin mai, peut-être un troisième mois de baisse consécutif. Mais de très nombreuses radiations avaient eu lieu en avril, de quoi faire craindre une vague de réinscription massive sur les listes de Pôle emploi. C'est la fête du cinéma ce week-end, des animations dès aujourd'hui dans certains musées, des projections en plein air et puis surtout des séances à petit prix. De dimanche à mercredi soir, 4 euros la séance durant ces 4 jours, une opération en partenariat avec Virgin Radio. 200 000 festivaliers attendus ce week-end à Solidays, 80 concerts répartis sur 8 scènes à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Des places mises en vente tout à l'heure à 10h ce matin sur solidays.com. Les festivals ont tous renforcé leur sécurité pour cet été avec de nombreux vigiles, des patrouilles de gendarmerie et des fouilles renforcées. C'est le deuxième parc d'attractions en France. Le parc Astérix organise une nuit gauloise demain soir. Attraction en nocturne, feu d'artifice et une grande expo dédiée à la célèbre BD. Les résas sur parcastérix.fr. Je serai sur place demain soir pour vous faire vivre l'événement en live sur Twitter. La reprise de l'Euro demain avec les huitièmes de finale. Match à élimination directe avec tir au but en cas d'égalité à l'issue de la prolongation. Suisse-Pologne pour débuter demain à 15h à Saint-Etienne. France-Irlande, ce sera dimanche après-midi à Lyon. Les Bleus quitteront Clairefontaine dès cet après-midi. Et puis un grand rendez-vous de rugby aussi aujourd'hui. La finale du top 14. Le choc entre Toulon et le Racing 92. Une finale qui se joue pour la première fois hors de France à Barcelone. Et c'est à 20h45 ce soir sur France 2. Voilà pour l'actu. Bon réveil. Et il a été respecté ce matin, le dress code, je peux vous le dire. C'est les super week-ends. C'est comme ça qu'on les aime. Soyez les bienvenus les amis, c'est bientôt les vacances pour nous. Vous allez tellement nous manquer pendant 2 mois. Et pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier d'être 1 800 000 à vous réveiller avec nous sur Virgin Radio chaque matin, on a voulu organiser une fête, mais surtout une fête qu'on puisse partager avec le maximum de monde. On vous a invité de toute la France. On a fait ça à Aix-en-Provence, on est là. Il fait un temps magnifique, tous au bord de la piscine. Allez voir les images sur virginradio.fr. Sur le Facebook là, il réagissait hashtag Virgin Pool Party. N'hésitez pas à aller voir toutes ces images. On s'éclate dans un instant sous l'élastique d'une hauteur de 50 mètres. Les amis, voilà ce qui va se passer en direct sur Virgin Radio. C'est pas tout. Le régional de l'étape, l'enfant du pays, la fierté du territoire d'Aix-en-Provence, celui qui a grandi sur cette terre riche en oligo-éléments, la terre de nos ancêtres. Kungs sera notre invité, les amis, dans un instant. Il va arriver, on terminera l'émission avec lui, mais pour le moment, il est temps de décider qui va faire ce saut à l'élastique d'une hauteur de 50 mètres. Alors, j'ai une requête déjà. J'ai juste un conseil. Si jamais, Laure, c'est toi qui y vas, ne fais pas comme tout à l'heure, ne négocie pas pour descendre de quelques mètres, puisque l'élastique fera le même. Elle va dire, descend de 20 mètres. Non, Laure. Ça ne servira puisque Laure, quand même, est vraiment, elle a été très courageuse. Elle a sauté de près de 12 mètres de haut dans un matelas. Mais là, maintenant, c'est du sérieux, c'est 50 mètres. Les participants, c'est très simple. Si vous n'avez pas l'image, je vous explique. On est tous alignés comme ça. Il y aura moi, bien sûr, qui vais participer au jeu. Comme tout le monde, si je perds, j'irai, je ferai pas le malin. Ouais. Ensuite, il y a Laure. Il y a Clément l'incruste. Il y a Ginger, bonjour. Il y a Nico du bureau. Oui. Il y a Pauline du standard. Et il y a quelqu'un que j'aime tellement, Fredo, le patron de Virgin Radio. On a le meilleur patron du monde qui nous suit dans toutes nos conneries. Mais comme j'aime bien toute l'équipe et qui joue quand même, tu sais que je t'aime très fort, mais tu participes aussi. Et si tu perds, Fredo, tu y passes comme tout le monde. Et moi, je ne sais pas ce que je fous dans ce merdier. Le pauvre. C'est ce que je me suis dit en arrivant sur Virgin. Attention maintenant. Attention les amis, pour se départager, on va faire, on pouvait pas terminer l'année sans le faire une dernière fois, un jeu qu'on adore, c'est le Shabada. Le Shabada, le principe, il est extrêmement simple. C'est un jeu de société qu'on a reçu au bureau, on s'est amusé à jouer avec. Le Shabada, on fait tourner une roue. La roue s'arrête sur un mot. Ensuite, on doit chanter une chanson en direct dans laquelle il y a ce mot. On éteint les téléphones. Attention. Dans laquelle il y a ce mot. Le premier des deux qui le premier des deux, le premier de tous qui sèche, il perd. Et la chaîne continue. Moi, Laure, Clément, Ginger, Nico, Pauline, Fredo, et ça revient à moi, ainsi de suite. Okay. Et celui qui n'a plus qui sèche perd un point. Ok. Celui qui a perdu le plus de points à la fin sautera l'élastique. C'est bien compris, on fait tourner la roue, c'est Jason qui s'occupe de ça. Salut Jason! Est-ce que vous êtes sur Alexandre Brons? Allez, je vous rappelle que le perdant, eh ben, il va faire un petit tour en haut, on fait tourner la roue, c'est parti! Vacances. Vacances, c'est parti. Oh là là. Il peut être compliqué. Attendez. Non, c'est moi qui commence. Ouais. Les amis, attention, c'est moi qui commence, tout simplement. Non, il faut mettre un peu d'ordre, c'est important. Ouais, allez, vas-y, agarre de gratter. Allez. Holidays. Holidays, it would be so nice. Laure, est-ce que tu viens pour les vacances? Bien sûr, évidemment. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Merci tout le monde. Clément, on y va, vacances. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Jokadi, Adi, Aya. Allez, on continue. Attention, c'est à Clément l'incruste. Je viens de le faire. On se ressemble beaucoup, pardon, mais regarde. C'est à Ginger. Allez, je suis plus long, en fait. Et un peu plus de barbe. Je suis très embêtée parce que j'avais pensé à celle-là aussi. Allez. De vacances. Allez. Vacances, attention. Mon amour, c'est dans deux jours. C'est perdu pour Ginger. Un point. Ginger est la première à se rapprocher du sol élastique. Vous l'avez compris, maintenant on fait tourner une autre roue, c'est ça Jason, et on repart à Nico du bureau. Et on fait tourner la deuxième roue, je vous rappelle que la sangria est au frais. C'est parti, deuxième roue. Plongeon, natation synchronisée, serviette éponge, boule, plage. Allez Nico. Nico, c'est à toi. Plage. Arrêtez, attention. Et l'amour à la plage, aouh, cha-cha-cha. Et les yeux dans les yeux, aouh, cha-cha-cha. Et oui, alors attention, ensuite, Pauline. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Bravo, bonne réponse. Fredo le patron. Est-ce qu'il a une chanson avec vacances? Plage. Chris Rea, On the Beach. On the Beach. Ouais. Non, on prend pas. Si, c'est pas validé. L'accent n'est pas bon. Non, c'est pas moi qui décide, c'est Jason. Jason, c'est validé? Selon le règlement, les mots anglais ne passent pas pour le patron. Alors lui. Ouais. Alors toi, tu perds un CDI déjà. Changement de programme. Un CDI avec des livres et vous tout. Vous savez ce que j'aime? C'est les meilleurs moments, c'est quand il n'y a plus de filtre. C'est ça. C'est quand cette émission va devenir un règlement de compte. Ça fait donc un point pour Fredo pour l'instant. Si on s'arrêtait là, c'est Fredo et Ginger qui doivent sauter le soil élastique. Attention, on repart. Donc là, ça y est, la chaîne a été faite. Fredo a perdu un point. On repart avec moi. On fait tourner une roue, Jason, ou pas? On fait tourner notre roue. Est-ce que ça va? Est-ce toujours? Mais ouais. Et ben, on fait tourner la roue, alors. Eh ben, c'est parti. Continue, Rito. Catamaran. Serviette éponge. Oh, mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Non. J'ai touché le fond de la piscine. Non, c'est pas parce qu'il y a de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau dans la piscine que ça fait marcher. Ok. Tu sais quoi? Ouais. Je te l'accepte. Je l'accepte pour la blague. Pour la blague, je te l'accepte. On continue. Oh, je rappelle, hein. Oh dans la chanson. Clément. Au soleil. S'exposer un peu plus au soleil. J'accepte le au soleil. Merci Jason. Merci Jason. Ginger. Elle avait l'air dans sa peau, la fille couleur Mantalo. Oh, c'est beau. Excellent. Mantalo, je vous rappelle qu'on sert des Mantalo au bar, bien sûr. Allez, Nico. Viens, tube. Plus haut, oui, plus haut. Plus haut que le ciel qui monte dans tes veines. Plus haut, oui, plus haut. Il n'y a pas d'orthographe, donc, pour le mot haut. Non, ça passe. D'accord. Je viens de voir quand même qu'on avait floqué des bâches que personne ne voit, puis elles sont sur le ciel en fait. Alors je les ai vu moi de là-haut. Je voudrais juste saluer les avions qui passent au-dessus d'Aix, qui voient mon nom écrit sur des bâches. Parce que pour les autres, ça ne sert pas. Mais merci, drone, quand même. Merci à toi. Pauline, au standard. On ira tous au paradis. Aime-moi. Magnifique. Fredo, le patron, haut à l'intérieur d'une chanson. Aux armes. Aux armes. Bon, là, c'est fait, là, je pense, non? Je peux pas l'accepter. On va voir Jason. Attendez, les amis, pas tous en même temps. Jason, moi, je suis pour rien, moi, Fredo. J'ai pas envie que tu sautes. C'est Jason qui décide, c'est lui le patron. On avait dit pas de foot et pas de politique. Alors, si je ne m'abuse, au soleil s'écrit à U, n'est-ce pas? Selon la règle de l'orthographe français, O, H2O, E-A-U, il y a un E devant le A. Je crois que ça ne passe pas. Et ça ne passe pas, c'est pas moi. Un deuxième point pour Fredo le patron. Aïe, aïe, aïe, aïe. Se rapproche dangereusement du soie élastique. On continue avec O. Il se rapproche et Dieu sait que j'ai pas envie de le mettre, mais vraiment, quand il y a des règles, tu vois, il faut respecter les règles. Bah ouais. Hein. Sinon, c'est n'importe quoi. Et c'est toi qui le dis, ça. Bien sûr. On a encore le temps de faire un dernier petit tour. Peut-être. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Est-ce qu'on peut me dire Robin à Paris? Oui. Je suis toujours rêvé de dire ça, parce qu'on a mis le tour de France. Ok. Cognac G. Ben, on y retourne. C'est re à moi, puisque le patron a perdu une deuxième fois. On y va. Un autre mot, on fait tourner la roue. Alors, attention. Nico du Balto, la Delor Modems. Mimimati. Encore. Encore. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai mal dormi. Elle n'a rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle est morte, elle. À chaque fois. Non, attends. Il croit encore. On est vivant tant qu'on est mort. Oui, c'est vrai. Je pensais que tu penserais à celle-ci, tu m'as fait peur. C'est que le début, d'accord. J'y pense encore et encore. Francis. Ginger. Encore un matin. Un matin pour rien. Faut d'avis l'autre de mes mains. Allez, Nico. Et ça continue encore rien. Je viens de la faire. Non, je m'en rappelle pas. Non. Ok. Ça marche. Ah bah non, j'ai pas entendu. Jason, ça a été fait. Tout ça pour Pauline de jouer. Nico, c'est bon. Bien sûr. On passe à Pauline. Non, j'ai pas fait la même. Arrêtez. Le dîner de cons. Non, c'est moi qui vais. Non. Fredo, j'ai fait la version live. Il a fait la version acoustique. Ça n'a rien à voir. C'est Pauline, t'en as une. Ça n'a rien à voir. J'en rêve encore. Oh, de Palmas. Ah oui, de Palmas. C'est de Palmas. Allez, Fredo. Fredo, le patron. J'ai rien. J'y vais donc. T'as quoi? Pas rien. Encore un matin. On l'a fait. C'est dommage. C'est dommage, on aurait accepté aux armes. On est encore les Marseillais. C'est dommage. J'ai l'impression que tout ça était bien calculé du temps dernier. Pas du tout. Jason, est-ce qu'on peut faire un point? Je crois que Ginger a un point. Exactement, Ginger a un point. Et il me semble que le patron Fredo est à 3 points. 3 points, Fredo. Va donc rejoindre la nacelle. Fredo, le patron de Virgin Radio, va sauter à l'élastique dans un instant. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Restez avec nous, les amis. On va voir ça. En plus, il a le vertige, les amis. Il a peur de tout. Il a peur de son ombre. Ça va être incroyable. Kungs est arrivé un petit peu dans le coin. Attention, Kungs va mixer d'ici la fin de l'émission aussi. Et puis, je vous offre un dernier loyer au 7-12-13 par SMS. Je pense à vous tous qui n'êtes pas avec nous, qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. On vous fait ce beau cadeau. Ce sera le dernier de la saison. Loyer au 7-12-13. Inscrivez-vous. Et si on n'a pas de gagnant, on l'offrira ici parmi tous les gens qui sont venus nous voir à Aix-en-Provence. C'est le Virgin Tonic en direct avec vous depuis 2 ans, 6h, 9h30. Merci de votre fidélité, les amis. Virgin Pool Party. Virgin Pool Party. Sur Virgin Radio. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. En ce moment, avec les soldes de but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. C'est parti. Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Jens qui ouvre une Carlsberg bien fraîche, et qui la passe à Hans, qui la passe à Lars, qui la passe maintenant à Inge, qui la transmet enfin à Margrethe, à l'autre bout de la table. Carlsberg, l'officielle danoise. Né en 1847, brassé à l'international sous contrôle de Carlsberg. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ah, ils ont encore la grosse tête ici. Lidl, ils ont le melon, c'est ça? Ah non, là c'est la pastèque patron. Aujourd'hui et demain, ils envoient du lourd. Hein. 1,99€ la pastèque. Ah du lourd, en effet, ouais. Et pour nous, sacré pataquès, la pastèque à moins de 2€ pièce. Ah, là c'est vous qui êtes lourd patron, là. Parce que moi ça me fait pas rire la pastèque à 1,99€ chez Lidl. Eh oh, c'est bon, hein. Tu sais quoi? On fait pas le point. On est mal, oui. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Calibre 4, 4,5 kg, origine Espagne. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind, saying it's gonna be alright. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. Votre loyer est dans Virgin Tonic. Hey, on a quand même passé une année incroyable, 2 ans qu'on est là sur Virgin Radio, mais une année incroyable. On est quand même la seule équipe à avoir fait revenir Ozone en France. Voilà, ouais, ça c'est la classe. On leur a pris un avion et tous les gars sont revenus en France. Ils étaient sur l'aile en plus quand ils ont atterri sur Paris. Et les amis, il va se passer plein de choses. Si vous nous rejoignez à peine, émission très particulière, mais c'est la dernière de l'année. C'est comme quand on est au collège, on ramène du banga, des savanes, on fait la fête, on ramène des jeux de société. Ben nous c'est pareil, c'est une grande fête depuis 6h ce matin et c'est loin d'être terminé. Ouais, c'est encore plein de choses. 50 mètres quand même. C'est vrai. C'est au sol élastique. Déjà Kungs est avec nous dans un instant, il va mixer en direct. On va terminer avec lui. L'Aixois, les amis, numéro 1 partout, le titre. C'est un carton, This Girl. Oh là là là là. Numéro 1 sur Deezer, numéro 1 sur Shazam, numéro 1 sur Claire Shazam même. Elle n'écoute que ça, Claire Shazam. Les amis, restez avec nous, il va mixer en direct dans un instant. Dans un instant aussi, le patron de Virgin Radio, Fredo, va s'élancer de 50 mètres de haut pour un saut à l'élastique. Et s'il saute pas, on part sur Rire et Chanson. Les amis, restez avec nous, mais pour le moment, le loyer. C'est quand même un moment très important, ça vous a fait plaisir tout au long de l'année. Et c'est le dernier de l'année. Voilà, ce sera le dernier gagnant maintenant, le dernier de cette année, loyer au 7, 12, 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire, vous le savez. On y va, dernier tirage au sort. C'est parti, vous me répondez Virgin Radio. On a que des gagnants depuis lundi, 6h20. Chaîne de gagne magnifique. La baraka, comme on dit. La baraka, comme on disait surtout. En 80. Bah, la baraka frite, comme on dit dans le Nord. Merci, faut vraiment arrêter les gars. Vous êtes en insolation là, je crois. Allô, qui est avec nous? Benjamin, frérot, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? T'es mon dernier gagnant de l'année. C'est Virgin. Eh hey, bon. Hello. Good night, girls. Ça va, Camille? Et toi, mon poteau? Eh ben, tranquille, je vais au boulot, là. Eh ben, écoute, je sais, hein, merci d'être avec nous. Moi, ça va forcément. On est chez moi, Aix-en-Provence. Il fait beau comme tout. Il commence à faire déjà 30 degrés. Tout le monde est là. On est tous dans la piscine, c'est un grand n'importe quoi. Mon bichon, je suis très heureux, on va finir voilà, cette nouvelle année de loyer avec toi. Je vais te faire un chèque de combien cet après-midi? Avec ou, charge, ou sans charge compris. Mets les charges, c'est la dernière, le patron il saute à l'élastique, il entend rien, là, profite. C'est 720 euros. Combien? 720 euros. C'est fait, on t'envoie le chèque dès cet après-midi, poteau, d'accord? Oh, c'est énorme, c'est énorme. Là, je suis très heureux. Merci Camille, le dernier de l'année, bordel, le dernier de l'année. Merci beaucoup Camille. Et bravo mon poteau, je suis très heureux. Bravo à tous les gagnants de l'année. Et évidemment, j'ai toujours une pensée pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort, qu'on envoyait plein d'SMS. Il faut de la chance, on a des milliers de SMS tous les matins. Mais en tout cas, félicitations à vous tous qui vous êtes inscrits. On a fait des 10 ans de loyer, on reviendra aussi à la rentrée encore avec des cadeaux magnifiques. Et on va quand même l'offrir à quelqu'un ce matin. Oui, quand même. Vous avez... On va faire un truc. Attention les amis, j'explique un truc. Il y a une piscine, donc je ne veux voir personne courir. Oui, Laure. J'ai une idée. Oui. Je me tourne comme ça, je lance un ballon comme si c'était une peur. Non, c'est l'idée pour que ça aille pas. On va faire un truc tout simple. Le premier qui me ramène, ça va pas être simple, hein. Une tongue saumon. Couleur saumon. Il y en a un qui a une tongue saumon. Attention, personne ou ne alors, court. Ou alors odeur saumon. Odeur saumon, ça marche aussi. Non, en saumon, pas en saumon, au saumon. Mais non, mais là, les gars, vous m'envoyez un truc. Sans déconner, m'envoyez des sabots. Attention, attention. Ah, non, je peux pas accepter. Non, je peux pas accepter. On est sur du marron, on est sur du marron. Non, c'est du rose, c'est du rose. Non. Là, il y a un dégradé. Non, c'est rose, c'est rose, c'est rose. On est quand même pas loin du saumon, là. Hein. Non. C'est un saumon framboise, un peu. C'est tataki, ça. Saumon framboise. On accepte celle-là. Ouais. On accepte. Là, ton saumon, quel est ton prénom? Sophie. Sophie, je t'offre ton loyer. Il est de combien, ma belle? 470. Eh ben, il est pour toi, ma chérie. Tu seras notre nouvelle dernière gagnante de l'année. T'es contente? Je suis trop contente. C'est génial. Et je t'offre une paire de tongs aussi. Merci. Ça me fait plaisir. C'est pour moi. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio. La toute dernière. Il nous reste à peine 15-20 minutes à partager avec vous. Après, ce sera les vacances. On vous retrouvera l'an prochain. Mais vous allez tellement nous manquer. Oh là là là là. Nous ici on va faire la fête avec Aix-en-Provence toute la journée, on mangera la plus grande merguez de France, le record vraiment. Et pour le moment j'aimerais aller voir le patron Fredo puisque dans un instant il va devoir sauter à l'élastique. Il a perdu au Shabada, hein. Il n'y a pas eu de magouille. Hein. voilà, c'est comme ça, il y avait des règles, il ne les a pas respectées. Ah ouais. À un moment donné, il perd. Fredo, comment tu te sens? Ah. Allez, on t'a mis la musique de Marseille. Les gars, déjà pour m'ambiancer. Alors il faut savoir, Fredo est de Marseille aussi, hein. On est vraiment que des régionaux ici. Fredo, comment tu sens ce soir l'élastique? J'ai envie de te dire mal, mais mal. Il tremble de mal. Partout, ouais. Les amis. N'oubliez pas qu'il y a trois personnes à qui je tiens. Donc voilà. Mais si je le fais, ça sera que pour une chose. Pour l'Olympique de Marseille. Oh. C'est un fan absolu de l'Olympique de Marseille, Fredo. Écoutez, moi je propose, je t'aime beaucoup, mais il est temps de faire monter cette nacelle, parce qu'il faut quand même qu'elle monte à 50 mètres de haut. C'est parti. Oh là là. J'espère vraiment que vous avez les images, parce que là on va se faire des souvenirs incroyables. Tu penses qu'il pensait à qui quand il a dit il y a trois personnes à qui je tiens? C'est Didier Deschamps, c'est Vincent Labrune, je pense. Ouais, à mon avis. Évidemment. Attention, on y va, la nacelle monte tranquillement à 50 mètres. Et le patron de Virgin Radio, et vraiment, puisqu'il nous suit dans toutes nos conneries, va sauter dans un instant. Ça va les gars? Oh là là. Attention. Et c'est hallucinant de hauteur quand même. Hallucinant. Il faut le dire. Et si toutefois il y a un souci, c'est Nico du bureau qui devient patron de la radio ou c'est qui? Moi je veux bien si vous voulez. C'est qui? Moi, c'est Laure. Ouais. Laure, bah ouais, mais il faut partir un peu plus tard du coup. 9h30 ça va être juste pour gérer une radio. Et puis on risque de payer un loyer par mois. Ah mince, ah, ça m'arrange pas. Bon bah je laisse ma place. Attention, mais non, tout va bien se passer, mais il faut quand même le courage d'y aller. En plus, alors je vous ai, voilà, Fredo, vous savez, on le passe souvent à l'antenne, hein, c'est un patron qu'on adore, mais il a peur de tout. Ouais. Il a peur de son ombre. Il est pas bien sur tout. Il faut pas l'approcher, il faut pas le toucher, il faut pas machin. Il consomme à peu près 240 litres de gel hydroalcoolique par jour. Ouais. Il est plein de toc. Et donc là, il est, ça y est, les amis, à 50 mètres de hauteur. Il est tout en haut. Qu'est-ce que tu fais? On t'entend parler, Fredo, tu racontes quoi? Il pleure. Oh là là, et dans un instant, Kungs va mixer en live, les amis. Il mixera en live avec nous sur Virgin. Et pour le moment, c'est le patron, Fredo. Attention, au sommet de la nacelle, Et y a pas beaucoup de métiers où tu peux mettre ton patron en haut d'un soin élastique. Hein. Ouais, plus cool. Même Ça, je vous le dis. Attention. Fredo, comment tu te sens là? Où est-ce que tu m'entends, Fredo? Je t'entends, mais je crois que je vais faire un petit... retour. Je vais d'abord... J'ai deux, trois choses à régler en bas. Non. Non, faut que je règle deux, trois choses. Fredo, on ne te redescendra pas. Je peux pas, Cam. Fredo, tu es en haut. Je peux pas, Cam. Fredo, c'est notre amitié. Tu es à 50 mètres d'eau. Fredo, Cam, il faut le faire. Je ne peux pas. Je vais te dire un truc. Si tu, on n'aurait jamais magouillé. T'as perdu un jeu. Clément, est-ce que tu veux dire un mot à Fredo avant qu'il s'élance? Eh ben, écoute, Fredo, il faut le faire. Sinon, je m'adresse plus à Rire et Chanson. Nettoyer les bureaux, on arrive, quoi. Flo, est-ce que tu veux qu'on soit là à la rentrée? Je suis pas sûr qu'il ait envie qu'on y soit. Laure, ma chérie, est-ce que tu veux dire un mot à ton patron Fredo? Oui, Fredo, tu sais, avec ton poste, tu peux faire du chantage. Je passe sous un tunnel. Fredo, soit tu sautes, soit tu dis allez Paris. Allez vous faire foutre. Très bonne idée. Va sauter. Ça c'est fait. Attention. Pauline, est-ce que tu veux dire un mot à ton patron Fredo? Oui, je sais que c'est le plus courageux, je sais qu'il va le faire. Je suis trop fier de lui. Je suis sûr qu'il va. Attendez pas, les gars. Je vais y aller quand j'irai. Il va nous faire attendre. Ne m'attendez pas. Le patron à 50 mètres de haut, les amis. Il faut l'encourager, les amis. On y va. Fredo. Pour le chemin, c'est tout droit, Fredo. Le plus dur, c'est de se lancer, mais après, ça va, tu vas voir. Allez, l'antenne, là, c'est pas ce que je vous ai appris de laisser des blancs, là. Non. On appelle ça du suspense. On appelle ça du suspense. Attention. Non, où tu sautes. Pas maintenant. Où tu sautes. Ou quoi? Où on t'oblige à écouter en entier la compile du lab. Attends, il y a un tracteur qui s'est mis en route, j'entends mal. Fredo, il va falloir y aller. On va compter jusqu'à 3. Non, il n'y a pas de 3. Et Fredo, tu vas t'élancer. Il n'y a pas de 3. Attention. Si, c'est entre le 2 et le 4. Attention. Parce que là, de toute façon, on n'est pas en position. Fredo. Non, pas, Camille, ne compte pas. Tous ensemble, les amis, attention. 3. Non. 2. 1. C'est parti. Non, comptez pas, ça met une pression. Bah oui, pas. Tu vois. Ok, on va faire les lettres. A, B, C. Non mais ça marche pas non plus. Ce qui est dense, il est même pas au bord. Il est à 1m50 du bord de la nacelle. Ah bah, il a peur. Fredo, il faut y aller. Ah, il est pas attaché encore. C'est pour ça. Imagine. Là, il est en train d'avoir. Il marmonne. Il essaie de négocier. Fredo, il y a Kungs qui est avec nous, qui attend pour mixer. Bah justement, j'aimerais bien qu'il mixe. Non. Kungs m'a dit à l'instant, je ne démarre pas tant que le patron de Virgin Radio n'a pas sauté. Fredo, il va falloir te lancer, mon Fredo. À un moment donné, il faut y aller. Je rappelle, si vous nous rejoignez, il est en haut de la nacelle. On va t'encourager une dernière fois et il va falloir y aller, mon Fredo. Oh, j'aimerais pas être à ta place. Oh, je suis en bas. Oh non, dis pas ça. Mais c'est très haut quand même, hein. Ah ouais, très haut. Fredo, regarde pas en bas. Fredo, regarde pas en bas. Regarde pas en haut parce que c'est encore plus loin. Attention, on y va. Les amis, 3, 2, 1, Fredo. Allez. 3, 2, 1, Fredo! Fredo, si tu le fais, l'OM sera champion. Fredo. Est-ce que c'est dur quand même, le pauvre? Fredo, tu le sens comment à l'heure actuelle? Il m'écoute même plus. Il a l'air d'aller beaucoup mieux que tout à l'heure, en tout cas. Concentre. Fredo, est-ce que tu m'entends? Fredo, est-ce que tu m'entends, Fredo? Cam, arrête! On me parle derrière, on me parle à droite, à gauche, au ciel, tout le monde! On me parle au ciel! C'est le mec qui te dit, vas-y, t'arrives! Non, mais de toute façon, Fredo, je t'aime beaucoup et il est adorable, l'instructeur là-haut, mais qu'est-ce qu'il te dit à part sauter? Tu veux qu'il te dise quoi? De toute façon, il faut te sauter! On dirait que Fredo, il est rentré d'une boîte en train de négocier, vas-y, je connais du monde à l'intérieur et tout. Mais s'il te plaît, allez, juste, dis-moi. Mais c'est quoi le conseil avant de sauter à l'élastique? C'est bah, saute, qu'est-ce que tu veux faire? Faut se rassurer, c'est normal. Fredo, est-ce que tu te sens d'y aller ou pas? Ou est-ce qu'on te redescend? Tu vas pas parler. Camille, arrête, tu parles, tu es en train de m'engatser là, j'en peux plus. Camille? Fredo, on m'a jamais parlé comme ça. Je suis très déçu. Je t'en veux pas parce que t'es à 50 mètres de haut, mais je suis très déçu. Ouais, je peux te dire Camille, que t'es derrière. Oui? Tu sais que Ginger est là-haut. Rien. Ginger est là-haut, ouais. Ginger est en train de gérer toutes les images. Hein. Vous avez les images de Fredo et les images vues d'en bas. Fredo, il commence à faire chaud là, on est en plein cagnard. Je t'avoue que là, va falloir te décider. Je fais juste un grand. Je reçois que des messages comme ça par SMS. Dis-lui de sauter, moi je bosse. On a des SMS qui attendent le saut du patron. Attention. Non, Camille, envoie les pubs. Envoie les pubs. Il pense qu'aux pubs, lui, celui-ci. Non, mais sans déconner. Ah, non, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Mix et Kungs et tu sautes après? Allez, fais-le maintenant, saute maintenant. Allez, maintenant, c'est fait. Hé, hey, Fredo, saute maintenant, c'est j'arrive fait. Pas, comme ça, Gab, Kungs, il mixe tranquille. Et on y va, allez. On y va, Fredo, on n'en parle plus là. Tu sautes, c'est fini. Et comme ça, on mixe, on fait la fête. Deux jours après, ça fait du bien. Ça lâche. Imagine dans Fort Boyard s'ils attendaient aussi longtemps. Je fais pas tout ça. Fredo, il faut te décider dans les 10 secondes maintenant. Si tu sautes pas, on offre une Seat Ibiza à tout le monde. Fredo, il y a Kungs qui attend pour mixer. Fredo, il faut te décider. Fredo, il me faut un oui, il me faut un non, il me faut un geste de ta part. Si tu te sens pas, on te redescend. On ne te force à rien, Fredo. Et si t'es un homme, t'y vas. Ah, je crois que je suis arrivé au rez-de-chaussée. Ah. Fredo, c'est parti, il faut sauter maintenant. Arrête, Cam. Allez, Fredo, allez. Allez, Fredo. De toute façon, je te le dis, si tu sautes pas maintenant, tu n'iras jamais. Ouais, il faut se lancer. Si tu ne sautes pas maintenant, Fredo, tu n'iras jamais. Fredo, est-ce qu'on peut rentrer en communication avec toi? J'ai l'impression d'être un négociateur du GIGN. À un moment donné, il me faut un retour. Quelles sont tes revendications, Fredo? Fredo, quelles sont tes revendications pour faire le saut de l'ange, s'il te plaît? Et en tête, je n'entends pas. Fredo, je peux avoir une augmentation l'année prochaine? Bon, les gars, vous savez quoi? Quoi? Je vous augmente tous. Je voulais dire. Attends, il va y aller. Les gars, quoi? Ce qui me fait halluciner, c'est que... Enfin... Oh. C'est quoi? Tu risques rien, Fredo. Il manquait des mots dans ta phrase, Fredo. Mais il manquait le verbe. Allez, réfléchis pas. Oh là là là là là. Allez. Il est au bord, il se rapproche, là, il va, se rapproche. Il va. C'est fort. Les amis, si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio, c'est pas Pierre-Alex, hein. Oh là là. Pierre-Alex va arriver dans un instant, il va vous accompagner jusqu'à midi. C'est la dernière de l'année, on est en direct d'Aix-en-Provence. On a installé un immense saut à l'élastique. Fredo, le patron de la radio, a perdu au jeu. Il doit maintenant, il doit sauter. Allez. Mais je crois qu'on va pas y arriver. Respire bien. On y va. Attends, il va y aller là. Ça marche? Allez, on monte, on y va. Il est en train de négocier. Allez, il va. Oh là là. Attention les amis. Il a fait une feinte. Fredo, est-ce que tu peux me répondre? Quoi, mais quoi? Tu m'entends? Fredo, t'as jamais été aussi prêt? Ouais. On passe une page de pub. On revient dans un instant sur Virgin Radio. Reste avec nous. Fredo, ça te laisse un peu le temps de cogiter. On revient. Coups, notre invité va mixer en live. Sortie pub, c'est simple. Ou Fredo saute, ou Fredo ne saute pas. Est-ce qu'on sera sur Virgin Radio à la rentrée? Ça dépendra de Soso. Tout va se décider là. Sinon, malheureusement, vous ne nous retrouverez pas à la rentrée. On sera ailleurs. Malheureusement. Mais s'il saute, on sera sur Virgin Radio. Et Kungs, qui est gentil comme tout, qui patiente, il a peur comme nous pour le patron Fredo. Il va mixer en live son tout nouveau single qu'on vous a fait découvrir à 6h. Restez avec nous. Ne bougez pas. Virgin Pool Party. Jusqu'à 9h30 sur Virgin Radio. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chaud! Qui veut des choux? Chaud! Mais ça, c'était avant. Chouchou! Qui veut des chouchous? Des bons chouchous! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein? C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45, 50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Put your hands together. Virgin Radio et Lagardère Sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Schulz, Afrojack, Cassius, Nervo, Greg Boss, Bob Sinclair, Kungs, Menace. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Billet. Electro-Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, MyTF1 et Direct Matin. Intermarché s'engage. Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo. Mais c'est jusqu'à dimanche, quand Intermarché défend les prix, c'est vous le grand vainqueur. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. La ville de Nice et Virgin Radio présentent l'Unice Music Live Festival du 13 au 26 juillet à Nice. Retrouvez The Avener, Louis Attack, Synapson, Julien Peretta, Milky Chance, Broken Back, Frérot de la Vega, Feu Chatterton et bien d'autres sur les scènes de la Place Masséna et du Théâtre de Verdure. Info et réservation nicemusiclive.fr et point de vente habituel. Virgin Radio. Virgin Radio, la radio du festival. C'est parti. Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini jupe plissée, ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 58 centimes la baguette chez Leclerc. Et attention, on est sur une vraie bonne baguette. Du 22 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la baguette de pain les trois meuniers de 250 grammes à 58 centimes, soit 2,32€ le kilo. Inutile de résister, une baguette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Big Festival. Vivez le Big Festival du 9 au 17 juillet. Écoutez en non-stop les live interviews sur la web radio 100% Big Festival. Big Festival, l'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Virgin Pool Party jusqu'à 9h30 sur Virgin Radio. Salut les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Bah, jusqu'à 9h30, on a déjà dépassé et c'est loin d'être fini. Les amis, hashtag Virgin Pool Party. Merci de partager cette matinée, la dernière de l'année à nos côtés. Il y a plein de gens qui sont venus, c'est dans tous les sens, il y a de plus en plus de monde. Ça va Aix ? On est à Aix-en-Provence pour cette grande dernière et on est loin de se quitter. Hein. Koums va mixer tout de suite en direct sur Virgin. Après, on va manger la plus grande merguez au monde. On aura le record du monde de la plus longue merguez. On va faire la fête tout l'après-midi tous ensemble. Et si vous nous rejoignez tout juste, le patron de Virgin Radio était au sommet, là-haut, au sommet d'un sol élastique. Et là, je lève la tête, je ne le vois plus. Où est Fredo, notre patron? Ah, il a sauté pendant la pub, c'était génial, vraiment. Fredo. Alors attends, déjà, j'ai une excuse qui est énorme. Énorme. J'ai reçu un appel d'une personne qui s'appelle Monsieur Lenormand, qui est le grand patron de la radio. Ah oui. Et qui m'a dit, nous avons besoin... Gérard Lenormand, monsieur. Nous avons besoin de toi pour la rentrée, tu ne sautes pas. Les assurances ne marcheront pas. Moi, je vais faire qu'une chose, si tout le monde peut reprendre avec moi, hein, vous le savez qu'il est supporter de l'OM, mais calme-toi. Il n'a pas sauté. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Il a pas sauté, il est pas Marseillais, je suis désolé. Fredo, je suis désolé. Non, et bravo à lui, je me mets, franchement, moi j'y vais pas, hein. 50 mètres là-haut, sauter, je le ferai pas. Mais les amis, pour le moment, et là je suis vraiment content qu'il soit là. Ah là là, celui-ci, regardez-moi ce beau minois. Alors, comment tu vas, toi? Et Valentin, les amis, plus connu sous le nom de Koums, bien sûr, et dans le monde entier, il vient d'ici. Il vient là, comme chez nous, d'Aix-en-Provence. Le premier single, This Girl, est maintenant numéro 1 dans toute l'Europe. Disque d'or en France, disque de diamant à l'export. 25 millions de vues pour le clip. Les amis, c'est un truc de dingue. Comment tu vas, toi? Ça va, merci, et toi? Alors, on est sur les 20 ans ou toujours pas? Toujours pas, toujours. Non, mais 19 ans, les amis, 19 ans, Inix dans le monde entier. T'as arrêté, d'ailleurs, t'as arrêté l'école. Hein. Ouais, tout à fait. Tout pour les platines, les amis. T'es d'où, Aix-en-Provence? Au-dessus du cours Mirabeau. Oh, beau quartier, excuse-moi. Excuse-moi, Paris Hilton. Et mon petit Valentin, tu vas mixer pour nous pendant 10 minutes. Tu vas commencer par le tout dernier single, c'est Don't You Know. Ouais, c'est ça. On vous l'a fait découvrir vraiment alors, en exclu mondial ce matin à 6h du mat. Là, vous qui étiez déjà avec nous, on va commencer le set avec ça. Et puis plein de choses. Il est en direct avec nous, c'est pareil. Hein. Il a roulé toute la nuit pour pouvoir venir mixer ici et faire cette dernière avec nous, Aix-en-Provence. T'es là ce soir ou tu vas ailleurs après? Ce soir, je suis à Paris. Oh là là, on aurait fait la fête. Annule, c'est où? C'est où à Paris? Et c'est au Carl's, bah pour Virgin Radio encore. Ah, on annule ça, c'est bon, on annule. Si le patron avait sauté, on n'annulerait pas. On annulera, tu restes avec nous faire la fête. Les amis, on l'applaudit très fort, c'est notre invité, c'est Koufs qui va mixer pour vous. Là, vous pouvez y aller, tout le monde dans la piscine, faites la fête, allez voir les images, ça se passe sur le Facebook Live, bien sûr. Toute l'équipe va danser, Clément, il est à fond. On est parti, excellent réveil à vous tous, c'est le Virgin Tonic, c'est notre dernière. On n'a pas envie de vous quitter, on est encore là pendant au moins une demi-heure. I'm gonna rock your back. Don't stay, no, I'm gonna rock your back.